bien une tranquille. Bigou. Elle est monstrueuse celle-là. Le but de cette finale. C'est fini. C'est fini, Loulou Nicolas. Montpellier, René Girard, il se brûle magnifique. Premier mot, premier mot. Ils sont champions de France. Bagarre. Où la bataille était le match. La bataille le match, mon malin. On est les champions, putain! On est les champions! On se retrouve en direct sur Sport & Chill après encore un férié où on n'a pas pu avoir d'émission. Malheureusement, on se retrouve dès le lundi d'après. Quel honneur de retrouver cette place où tant de grands noms c'est vrai, ont été sur la cette mérite, même chaise. Je sais pas si on la mérite, j'espère qu'on va la mériter. Avec une bonne émission. On n'en doute pas. Vous allez démontrer sur le terrain. Comme j'espère, comme toujours, comme le Real l'a fait encore samedi. Je serai quand même assisté par un grand nom aussi de l'émission, Timothée, qui est à ma droite. Exact, je vais essayer de t'épauler comme il se doit. Hein. On espère honorer. On va essayer de prendre la balle devant un peu comme Fiki Maledonovic. Offensif, finalement. Agressif, à la hauteur des autres duos qui nous ont précédés. Là, ça sera une spéciale tennis. Mais on va parler un petit peu de tout, vu qu'on est au complet quasiment. On aura un invité qui va nous rejoindre après. Déjà à ma gauche j'ai Romain. Eh oui, toujours présent, ravi de sortie. De participer avec vous à cette belle émission historique. Et ouais, je pense un des plus beaux de ma vie de supporter de sport en tant que supporter du MHR, du MHB et du Real Madrid. Vivre deux titres européens finalement, un pour le Real et un pour le MHB, on y reviendra plus tard. Et peut-être on l'espère bien une belle finale au Stade de France contre les ennemis jurés du Castres Olympique, ce sera merveilleux. On y reviendra. Ça serait bon. On y reviendra. Et à ta gauche, Paul, qui est de retour parmi nous, avec une gastro. Ça faisait, comme d'habitude. C'est vrai que mon ventre a fait des siennes ces derniers temps. C'est la soupe à la grimace pour Paul. Je suis de retour. Il est timoré. Et de l'autre côté de la table, on retrouve un duo presque inédit, puisqu'Alex, on l'a eu quelques fois quand même. Mais il y a un invité plus prestigieux à ce côté. Bon, déjà, tu peux dire bonjour, Alex. Oui. Bonjour tout le monde. Très émouchier de. Ouais, mais ça me remet d'entendre cette voix suave un petit peu qui nous a un petit peu manqué. Souvenirs qui reviennent comme ça. Une voix suave. Avec un petit accent marseillais de derrière les fagots. Malheureusement, il est toujours là celui-là. Et à ses côtés. À ses côtés, un invité vraiment inédit, ça on peut le dire, il n'y a pas de doute. On n'a pas trouvé mieux, donc du coup. Dans l'historique, il n'est jamais venu sur ce plateau. C'est une avant-première. Présente-toi, monsieur, allez-y. Oh, bah, enchanté, c'est Michel. Platini, super. Proche du micro, poulet, s'il te plaît. Ami de longue date pour certains. Oui, et moins pour d'autres, mais la qualité. Mais la qualité est quand même là, on le sait. On va passer au programme au sommet, je pense. Ce soir, oui. Doucement. Au programme. Donc majoritairement du tennis, puisqu'on aura une invitée de marque ce soir avec une joueuse de la SPTT qui nous parlera un petit peu formation, ses entraînements, le contenu et puis ses objectifs entre guillemets de carrière. Et puis on parlera aussi du sport montpellier, bien évidemment, qui a été plutôt chargé et plutôt bon au final. On fera un focus sur les MHR et le MHB, qui ont brillé ce week-end. Ouais, et puis on parlera aussi bien évidemment du GP de Monaco qui avait lieu hier, et puis un petit peu NBA parce qu'on arrive dans un moment important de la saison. Après je te vois venir, Romain, n'oubliera pas le Giro, Giro du rugby, le Giro s'il te plaît. Inconsciemment je l'avais déjà oublié. Le Giro. Olivier Giro. Non mais je savais qu'on n'oublierait pas la... Le Giro phare. Allez, c'est la dernière. Allez. Donc voilà, on commence si vous voulez par ce qui est plus récent au final. Les résultats de la semaine quoi. Les résultats de la semaine. Sport and Chill, les résultats. Résultats de la semaine, par quoi voulez-vous commencer, messieurs ? On peut commencer par la F1. Allez, on commence par la F1. C'est à toi de les faire, il me semble. Oui, en plus, donc on commence par le meilleur. C'est un peu le Ricardo de l'émission, quelque part. Merci. Quelqu'un d'autre a regardé ce passionnant Grand Prix, ou je suis le seul à en parler ? Alex, on va pouvoir converser. J'ai plus regardé les qualifs que le Grand Prix. C'est souvent ce qui est le plus intéressant le week-end de Monaco. T'as eu du flair, quoi. Sachant que Ricardo avait été très rapide, je crois qu'il a fait le record du tour de l'histoire à Monaco. C'était l'homme le plus rapide qu'on ait vu sur Monaco, donc finalement, c'est... plutôt mérité de le voir briller à la fin de la course, même si évidemment on en parlera, mais il y a eu cette petite inquiétude, je crois, quasiment au milieu de la course où il y a eu un petit problème de boîte de vitesse, tout ça. Il n'a pas paniqué, Ricardo, il est resté froid, droit dans ses bottes, il a réussi à tenir la distance. Quand tu même parles, si Vettel a failli revenir, on peut en faire, attention, je suis là pour ça aussi. Droit dans ses bottes, mais tu parles pas de Bottas, quoi. Non, Bottas qui était qui un peu plus loin. Qui fait une belle 5ème place. Qui est très bon outsider encore avec sa Mercedes, mais qui fait une belle 5ème place. Qui était un petit peu loin des débats. Merci. Donc, oui, finalement, je pense que tu seras d'accord. Course assez attendue. Le trio de tête qu'on attendait avec Ricardo, Vettel, Hamilton, sans gros bouleversement. Pas bougé. Belle performance de Gasly par contre qui a gagné 3 places. C'est. Il fait encore une belle 7ème place. Il avait fait une 6ème il n'y a pas très longtemps. Ocon aussi a fait des belles qualifs hier. Samedi, du coup. Belle 6ème place quand même. Belle 6ème place, ça fait plaisir parce qu'il avait fait un début de saison assez inquiétant. Un peu où il était bien en dessous des performances de l'an dernier. Et là, il revient à une place, on va dire, un peu plus ambitieuse. Et c'est vrai que Gasly aussi a fait une très belle course. Un petit point négatif, on dira, c'est pour le local Leclerc qui malheureusement signe son premier Monaco sur un abandon. Donc, ça, évidemment, c'est regrettable. Percute Hurtley qui a eu des problèmes de frein, je crois, dans les derniers tours. Mais bon, enfin, au niveau de l'image, je sais pas si vous avez vu le contact, dur de l'éviter. Il le voit au dernier moment, il peut pas freiner. Et le truc, c'est sur Monaco, c'est toujours très difficile de déplacer. Le virage est trop serré, l'objet prend l'extérieur. Toujours difficile d'éviter des pilotes devant vous, donc forcément, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir que ça fait toujours plaisir de voir Ricardo, parce que je sais qu'il y a 2 ans, il a eu un mauvais scénario à Monaco, pareil, où il paraissait être le plus rapide et il a eu un problème technique. Là, voilà, il retrouve une première place qu'il est méritée. On sait qu'il est toujours très rapide à Monaco. La Red Bull marche très bien aussi à Monaco. C'est vraiment un bon pilote pour le coup. C'est un très bon pilote et puis très expressif, très souriant. Moi, je suis toujours content de le voir. Je sais pas si vous avez les images sur le podium, c'était vraiment sympa. Genre, il y avait Vettel, Hamilton et Ricardo. Les trois avaient le sourire, tu sentais que les deux favoris étaient contents pour lui. Hamilton a versé le champagne dans la chaussure, il a bu de Ricardo. Il a libéré le championnat du coup. C'est sa deuxième victoire de la saison après. On revient en bel outsider. Puis c'est vrai qu'il y avait une belle ambiance détendue. Il a même bouleversé le protocole, mais bon, c'est le prince ça l'a pas dérangé tellement que ça, puisqu'il a senti qu'il y avait une vraie joie et. Ouais. Bon, un peu moins expressif, Prince Albert. Hein, on va pas se le cacher. Mais forcément, c'est un peu plus impassible. Un petit peu de distance. S'il y a à mettre en place, mais bon, c'était quand même agréable. J'ai trouvé ça, les scènes sympas entre Hamilton et Vettel. Donc, c'était une finale pas le plus passionnant des Grands Prix, mais quand même sympa. Et puis, on peut rappeler le classement général. Avec le classement général qui bouge pas tellement, vu que c'est Hamilton qui est toujours en tête. C'est ça. Vettel grappille quelques points. Hamilton, il a 110 points, Vettel 96. Ricardo, du coup, il grappille un peu, il a 72. En 4, suit Bottas avec 68 points. En 5e, un autre Finlandais, Raikkonen, avec 60 points. Verstappen 6e, Alonso 7e. Verstappen qui a encore fait n'importe quoi. On annonçait un bon week-end pour lui aussi, vu que la Red Bull est encore une erreur bête. Ça fait déjà 2 ou 3 même cette saison, donc c'est, tu sens qu'il est encore immature, c'est inquiétant. Il faut encore le canaliser, le garçon, même si on sent qu'il a du talent, mais il y a encore un peu de sang froid à prendre. Ça devait faire première ligne et ça finit derrière, finalement ça fait derrière. À mon avis, ça a commencé à grincer les dents du côté de Red Bull. J'y pense aussi, image très sympa aussi entre les deux Rosberg, le père et le fils, qui ont conduit avec les voitures de leur époque, qu'on fait un tour du circuit de Monaco avec les voitures de l'époque. Donc Rosberg, il avait une meilleure voiture puisqu'il avait la Mercedes il y a 2 ans, mais Keke Rosberg avait une voiture un peu plus ancienne. C'était rigolo de les voir tous les deux parcourir le circuit mythique de Monaco. Voilà tout pour. Je pense que c'est tout bon pour la F1. On peut passer à un autre sport de course qui, je crois, t'es cher, Romain, un peu le cyclisme. Un peu moins de moteur, mais encore que. Il y a des débats sur le sujet, effectivement. Il y a toujours des débats sur ça. Donc tout est possible. Il y a des mobilettes dans le peloton. Mais c'était la fin de ce Giro d'Italia, ou plutôt devrais-je dire tout simplement la suite, sachant qu'on n'avait pas parlé avec ce fameux jour férié. Donc 2 semaines de course. Je vais surtout revenir sur la dernière, déjà parce que vous me connaissez, sinon on peut parler un quart d'heure du Giro et c'est pas l'objectif. Ah là, j'ai mis 5 minutes. Je saurais être discipliné, vois-tu. Mais en tout cas, un très beau Giro. Pas trop vite, un très Robin, beau Giro sur le scénario, j'ai trouvé. Je sais pas ce que scénario, tu en as pensé, Paul, toi. C'est un scénario, je trouve, dans le Giro qu'il n'y a pas dans le Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a plein de rebondissements comme celui-là. Je trouve que les coureurs essayent bien plus, tentent plus, alors que le Tour de France, on se surveille plus dans ce test. Je trouve que le coureur, j'ai l'impression, moins de pression et tente plus, quoi. Je pense qu'effectivement, il y a deux éléments importants. Il y a, avant de revenir sur, sur la course en elle-même, un parcours souvent intéressant au niveau du Giro, assez atypique, avec des cols qu'on n'est pas forcément habitué à retrouver habituellement, justement, sur d'autres courses. Et voilà, que les Italiens ont la chance d'avoir sur leur territoire et qu'ils ont plaisir à planifier. Et puis, au-delà de ça, effectivement, peut-être moins de pression que sur le Tour de France, qui est la course par excellence de cyclisme, où même si des fois on pourrait préférer le Giro, c'est la plus belle course, hein. Il y a rien à dire que le Tour de France, et donc les coureurs ont plus de pression et veulent jouer leur place général, un petit peu plus que sur le Giro où certains deux minutes joue le tout pour le tout. Dans le traditionnel, tu sais. Concernant du coup la course plus précisément, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de parler un peu du scénario. Et ben, on a vu une victoire, finalement pas si surprise, mais en tout cas qu'on n'attendait pas au vu des dernières semaines de course, celle de Christopher Froome qui remporte son premier Giro d'Italia, qui était une course qui par le passé ne lui avait pas forcément bien réussi, mais manquait, c'était la dernière qui manquait à son palmarès. Et il avait mal démarré d'ailleurs. Et il avait très mal démarré, hein, dès le premier chrono, et puis avec un petit peu des performances en montagne russe. Hein, on sait que ça peut faire jaser d'ailleurs de le retrouver là, mais en tout cas il a réussi un coup exceptionnel dans le collet des Finestres et la seconde étape alpestre de cette dernière semaine, qui avait aussi explosé Simon Yates qui avait remporté 3 étapes et que tout le monde pensait imprenable en montagne et qui a craqué complètement, comme d'ailleurs notre français Thibaut Pinot, hein, qu'on a vu disparaître de la circulation malheureusement la veille de l'arrivée, victime d'une énorme défaillance. Vous pouvez expliquer, parce que j'ai pas, pour un peu les auditeurs, et même moi j'avais pas trop suivi la désillusion Pinot, ce qui était bien classé, au final il... Bah, en fait, on a eu Thibaut Pinot qui a eu un moment de difficulté, hein, qui était en dehors de ce podium, à un moment on trouvait même le podium un peu inaccessible après le chrono où il perd beaucoup de temps, et derrière il remonte notamment sur cette étape magistrale que remporte Chris Froome à Bardonecchia, sur la troisième marche du podium, et là à un jour de l'arrivée on se dit que vraiment c'est possible pour lui de le faire, il est bien parti, quoi. Et dans un col de cette dernière étape, il est victime d'une défaillance énorme, il explose en plein vol, pas de chute, visiblement malade, et il craque complètement aussi, hein. Ses équipes l'ont attendu et on a senti vraiment Pinot dans une détresse incroyable sur cette étape, où il perd extrêmement gros, il sort totalement du top 20 alors qu'il jouait le podium, et le voilà à la veille de l'arrivée à devoir même abandonner, donc visiblement en plus son état de santé un petit peu inquiétant avant le Tour de France, on verra s'il se refera d'ici là, mais c'est vrai que du coup ça mène à relativiser les places des Français, parce qu'on attendait un Thibaut Pinot dans le top 10, le meilleur Français c'est Alexandre Géniès qui fait 11e pour la formation AG2R, tout n'est pas à jeter pour Pinot, mais voilà, c'est vrai qu'il voulait le podium et ça lui a échappé au pire des moments, concernant le classement pour pouvoir ensuite passer à d'autres sports, sachant que l'actu est ultra chargée, dans les temps, le podium c'est Chris Froome donc qui l'emporte devant Tom Dumoulin qui était attendu vainqueur sortant l'an dernier de ce Giro, un petit peu surprise mais il confirme, même s'il l'emporte pas cette année, et on espère voir un jour ce duel sur le Tour de France. Et la troisième place revient à Miguel Angel Lopez, les deux sud-américains, colombiens et équatoriens, qui ont un petit peu énervé tout le monde, c'est inédit, ça. Qui font 3 et 4 et voilà, à noter effectivement dernier mot je pense pour Paul sur Richard Carapaz, la révélation de ce Giro. C'est sûr, l'équatorien que je ne connaissais pas, je l'avoue. Et puis qui a sorti sur l'épingle du jeu, qui n'était pas forcément attendu, qui a remporté une étape et qui ensuite n'a pas lâché le top 10 du classement et qui au final termine 4e, puisque Pinot du coup a explosé. Non, bonne surprise de la part, même Miguel Angel Lopez, je pense que c'est juste. Vu le début de son tour, de son Giro, je me suis dit bon, je pense qu'il fera peut-être même pas un top 10, alors qu'Astana roulait beaucoup pour lui et lui à chaque fois se montrait défaillant, et il a surmonté crescendo comme Froome et comme Carapaz aussi. Bon, même si Carapaz a été plus constant, non, c'est une belle surprise, hein. C'est une belle surprise de la part de l'équipe Movistar. On va conclure les gars, passer à un autre sport. De la part des deux latino-américains. Mais effectivement, en tout cas, ce sera intéressant pour la suite. Et on a vécu un magnifique Giro qui a vu le sac de Chris Froome et la dernière victoire qui est revenue à l'Irlandais Sam Bennett dans les rues de Rome. Chris Froome et son docteur aussi, ne pas l'oublier. Ouais, elle est dure celle-là. Mais là, il y a suspicion réelle. Voilà. C'est moi qui l'ai dit. C'est vrai. Surtout sur une étape où à la fin du col, c'est que de la terre. Il reste 80 bornes et il fait 80 bornes tout seul où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tranquille quoi. Ouais, un bougeable bonhomme quoi. Mais ça a été hallucinant, il perd jamais de temps. TGV lancé. Mais c'était un truc de fou. Elle restera pour la chaîne. Chapeau l'artiste. Allez, on va passer à un autre sport. On laisse le foot en dernier, on est d'accord, Timothée, vu qu'on aime pas trop le foot, de toute façon, tous les deux. Je pensais passer à la NBA, tu vois. Ouais, NBA, comme si vous voulez. On fait un closing tennis foot. Et le closing a été dur parce que j'étais devant le match hier. Exact. Deux derniers cartons parce que bon, ça aurait été très compliqué de tout suivre. Finalement. Ça en est où ces finales un petit peu, Guillaume? Toi qui es un peu spécialiste basket. On en est où? Ben là, c'était le match 7 qui avait lieu à la TD Garden Arena, donc c'est à Boston. Donc Boston avait la chance. Ouais, au cas où. Boston avait la chance de recevoir pour le match 7 et malheureusement, il n'y a pas eu tellement de surprises parce que Cleveland, un peu à l'expérience, a dominé ce match. Grâce à LeBron aussi. Pas tranquillement, mais ils ont toujours été dans le match et puis ils sont passés devant au bon moment. Et puis, ouais, évidemment, LeBron, que ce soit même défensivement, encore, il a fait des gestes, des stops assez incroyables. Il a une feuille de stats, ouais, il a 35 points, ouais, 15 rebonds, 9 passes. Les feuilles de stats s'enchaînent depuis les playoffs et bon, c'est incroyable fois comment il arrive à chaque fois à hausser son niveau de jeu autant en playoffs. Hein. Je pense que de ma vie, j'ai jamais vu une équipe aussi tributaire d'un joueur. C'est incroyable, quoi. Il est. Là, pour moi, il a même pas d'équivalence dans un autre sport. Ouais, c'est même Ronaldo. Non, on voit que sur une finale, il est pas trop là, on va dire, et ils arrivent quand même à aller la chercher. Mais là, vraiment, si LeBron ne sort pas un gros match, Cleveland, jamais ils arrivent à gagner un match 7. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que LeBron est meilleur que Michael Jordan? Parce que Michael Jordan avait une équipe de malades. C'est toujours difficile. C'est l'éternel débat. C'est le meilleur scoreur de l'histoire, donc déjà ça c'est quand même remarquable. Ouais. Il a plus de 12 000 points. Que lui, LeBron a cette faculté de pouvoir tirer l'équipe vers le haut et il sait tout faire. C'est sûr. Il est très complet ce mec et ouais c'est vrai qu'il dégage même. Je pense que mentalement il impressionne quoi. Tu les vois les joueurs de Boston, ils étaient. Je pense que maintenant il est peut-être il a son peak time, il joue quasiment le meilleur basket de sa carrière là. Oh ben là, oui, cette année, là, je sais pas si vous avez vu la stat. Il était obligé, mais il y a une stat qui fait qu'attester ce qu'on est en train de dire. C'est ça fait 8 ans qu'il a pas perdu un match décisif, LeBron. Non mais c'est complètement problème, c'est débile que, là. Comme c'est le meilleur joueur du monde depuis ces dernières années, quand il veut, il gagne. Voilà, point barre. Et même s'il y a eu une très belle équipe de Boston au final sur les 7 matchs qui a été collectivement, ils ont très bon comme toute l'année, ils ont été cohérents jusqu'au bout. Ils sont passés proches, ils menaient 3-2. Ils menaient 3-2 dans la série et puis ouais voilà après on sent que pour conclure cette série, il leur manque encore peut-être un Irving, peut-être un joueur un peu d'expérience. Qui aurait fait que Boston aurait pu les sortir, mais finalement c'est encore Cleveland qui se retrouvera en finale. Est-ce que de l'autre côté il y aura encore un favori qui va se mettre en finale? Parce qu'au final on se disait bon, ça va être encore Cleveland Warriors cette année, il n'y a pas de doute. Et au final il y a un match 7 dans les deux finales. On s'est l'outsider il revient dans le coup. Et est-ce que ça sera quand même les Warriors? Parce que bon, ils sont revenus difficilement, mais il ne faut pas oublier aussi que Houston a le privilège de recevoir sur ce match 7. Ouais, est-ce que le surplus d'expérience encore va faire la différence? Est-ce que les Warriors vont réussir à... La différence peut venir du banc aussi. Je pense que sur le match 6 entre les Warriors et... Il n'y a pas plus de 20 points d'écart, je crois. Et Houston, l'absence de Chris Paul pesé dans la balance. Ouais, je ne sais pas s'il sera de retour, mais si ce n'est pas le cas ce soir... Ça va être compliqué parce qu'il est monté vraiment en puissance. Il avait fait une saison assez moyenne. Et dans ses playoffs, il est vraiment monté en puissance. Et c'est vrai que s'il n'est pas là... Ça reste un joueur d'expérience quand même. Ouais, il a plus de bagages que beaucoup de joueurs de Houston. Donc s'il n'est pas là, forcément, ça sera plus compliqué pour Houston. Et puis en plus les Warriors, on le sait aussi, sur un match 7 comme ça ils seront quand même très difficiles à battre. Houston, c'est l'équipe qui n'a pas perdu un match à domicile, c'est ça? Non, c'était Boston. C'était Boston, mais du coup la fin de la série, puisque Cleveland a gagné contre contre Cleveland. Donc voilà pour le basket, à suivre donc le match 7 ce soir de, vers 3h je crois. Pour les plus aguerris. Pour les plus aguerris, voilà, j'essaierai de mettre aussi pareil le réveil pour les deux derniers cartons. Avec l'alarme en coin de l'œil là. Et filer à la jambe directement. Et filer en bombe sur, sans transition. Et puis après là, ben, les finales de playoffs, je crois que c'est à partir de jeudi, si je me trompe pas. Ouais. Donc ce sera ça. Cleveland contre ben, les Warriors ou Houston. C'est ça. Sans okay, transition pour le basket, tennis, je pensais passer au rugby. Au rugby, allez, t'es chaud, rugby. Passons au rugby, passons au rugby en plus. Et j'ai vu un match en entier de rugby ce week-end. J'ai vu le Lyon-Montpellier. Ah, c'est pour ça que t'as ramené la bouteille de champagne là. Ouais. Pour fêter la qualif. C'était un bon match en plus, t'es régalé. Pas mal, ouais, 4 essais hein, si je me souviens bien. Exactement. Bien, bien, bien, on y reviendra justement. Donc comme vous le savez, avaient lieu ce week-end les demi-finales du top 14 de rugby. Donc Montpellier-Lyon et Racing Castres. Chez Jean-Michel. Chez Jean-Michel Aulas. Ils ont tout cassé, hein. Voilà, ils ont tout concassé, ça c'est t'en sûr. On arrive à encore en parler quand même. Hein. Donc on fait un petit rappel, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Vas-y, recontextualise. Donc voilà, Montpellier et Racing sont directement qualifiés pour les demi-finales du top 14 grâce à leurs deux premières places au classement général. Et les autres clubs, ayant terminé la 3e à la 6e place, ont disputé ce qu'on appelle un barrage à domicile. Donc c'est une sorte, un barrage tout court, pardon, une sorte de quart de finale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces barrages ont réservé leur lot de surprises. Le Loup, donc, qui a arraché la 6e place d'ailleurs face à Montpellier il y a 3 semaines, se déplaçait à Toulon et a crié l'exploit en arrachant non pas la victoire, mais le match nul, 19 partout. Alors pourquoi, ouais, pourquoi ils sont qualifiés alors que les deux équipes sont dos à dos ? Eh bien tout simplement parce que les Lyonnais ont marqué plus d'essais, donc voilà, c'est le règlement qui le dit. L'offensive vers l'attaque, ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est, ouais. Donc il marque plus d'essais à l'issue que tu l'as pas précisé, mais que les hommes ne font même pas à l'issue des prolongations. Voilà, donc on rappelle les prolongations, c'est 2 fois 10 minutes, les prolongations rugby, ça. C'est du costaud, c'est sûr. On regarde les statistiques en fait avant de savoir si on va jusqu'à une séance de tir au but qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, peut exister au rugby, mais ouais, dans des cas vraiment, vraiment très rares. C'est il faut créer le même nombre d'essais, même nombre de points, même nombre de cartons. Je crois que c'est un truc hyper, hyper strict, ça c'est sûr. Ouais. Ça fait pas mal de variables. Donc voilà, les Lyonnais ont finalement marqué plus d'essais que les hommes de Fabien Galthié. Ce dernier d'ailleurs ne devrait plus être l'entraîneur du RCT la saison prochaine. Merci, on parle de Colazo ou de Urios et de Fernandez Lobé sur la rade. On en saura un peu plus, je pense, prochainement. L'autre barrage opposait le Stade Toulousain face à Castres, à Ernest Vallon. On a annoncé le retour du Grand Toulouse cette saison avec un jeu retrouvé, un jeu à la toulousaine, un jeu de main, un jeu de Toulousain, comme on a l'habitude les joueurs de la Ville Rose. Mais c'était sans compter sur ce diable de Christophe Urios qui a su trouver la recette pour faire chuter les joueurs de Toulon et du coup faire remporter au Castres Olympique ce barrage de Toulouse, du coup. Et donc se qualifier en demi-finale, voilà, et donc battre Toulouse. Moralité, finalement, qui a dit que c'était mieux de recevoir en barrage puisque les deux équipes qui ont reçu ont perdu. Comme quoi, hein. Voilà, donc la fiche de demi-finale c'était Montpellier-Lyon et Racing-Castres. Racing-Castres plutôt. Et pour faire, une là. Fois... Pardon ? Enfin plutôt Racing-Castres, puisqu'on en parlait dans l'espoir Montpellier. Ouais, je te l'ai... Mais... Ouais, on peut vite évoquer les deux, t'inquiète pas, j'ai prévu la chose. Sérénité, c'est pas... C'est belle, beau sens. Parce que justement, pour un match... Répartie. Pour ce match-là de, Montpellier-Lyon, enfin la logique a été respectée. Pourtant, on les a annoncés un peu en manque de rythme, 3 semaines sans jouer, ça fait beaucoup. Mais encore une fois, que nenni, les Montpellierains ont croqué le loup à pleines dents. Une victoire finale 40 bon, à 14. Là, quoi. On y reviendra oui, un peu plus tard, comme tu l'as dit. Dans le détail. Mais la logique a été respectée. Donc, ça, c'était pour vendredi soir. C'était pour la première demi-finale. Et samedi, c'était encore autre chose. Le Racing 92 aurait pu vivre une année extraordinaire. Ils étaient, on rappelle, finalistes de la Champions Cup. Ils se sont écroulés dans Money Time face à la belle province de Leinster, en s'inclinant finalement 15-12. On se dit alors qu'ils sauront se remobiliser, qu'ils sauront abattre toute leur haine et leur amertume sur des castrés, déjà auteurs pourtant d'un beau parcours. Et ben niette, ils sont passés complètement à côté de leur prestation. C'est pas la grimace. Les protégés de l'habit des travers, on évitera évidemment tout jeu de mots s'il vous plaît, ont vécu je un après-midi tenter, cauchemardesque hein. Face aux Castries qui ont parfaitement su contrer les Racing Men à l'image de ce poison de Rory Cocotte qui a été insupportable toute la rencontre. Finalement, score final 19-14 pour le CO qui ne cesse de surprendre et qui rejoint l'ogre montpelliérain en finale. Ah, des MHR CO, on en a l'habitude lors des phases finales, mais en finale ça risque d'être tout autre chose. En tout cas, nous, on a hâte. Quel est l'historique entre ces deux équipes Montpellier-Castres? Historique très chargé, surtout en barrage. On se rappelle pour la première fois que Montpellier s'est qualifié en phase finale, c'était face à Toulon après un match de fou. Et ils sont qualifiés donc en barrage face à Castres. On allait gagner à Castres, donc c'est l'année où on monte en on va jusqu'en finale. On peut la regarder de haut. Et on s'incline face à Toulouse. Et ensuite, on s'est incliné deux fois chez eux, encore deux fois ensuite d'affilée chez eux. On les a reçus ensuite à la maison, on a gagné, et après on s'était qualifié directement en demi-finale, c'était à Lille, je crois que Romain tu y étais, il y a prolongation aussi non ? Oui, un très mauvais souvenir. On a perdu contre eux, donc, donc c'est quand même mitigé. C'est un peu l'ennemi juré, tu fais pas finale. Okay. La finale sera où, dans quel stade ? Au Stade de France, France, c'est ça ? Stade de France, voilà. Samedi, c'est ça, délocalisé comme ça peut être le cas. 20h45 ou 21h dans ces eaux-là. D'accord. Il y a moyen qu'on se régale, et je pense que c'est le meilleur adversaire qu'on pouvait avoir pour qu'il non pas pour la vie, pour gagner facilement, pas du tout, mais pour un bon match. Comment ? Pour le style de jeu, voilà, tu veux dire ? Pour le spectacle, ouais, parce qu'on sait que c'est notre ennemi juré, et je pense qu'il y aura une saveur encore plus grande si on arrive à les battre en finale. Il me tarde de voir ce match. Le Racing aura eu la vengeance de l'an dernier aussi, peut-être. Et vous inquiétez pas que... Mais le Racing, moi j'ai plus peur du Racing que de Castres. Sur une finale, Sur une finale. Ouais. Mais alors... on peut en débattre là-dessus, hein, parce que Castres aussi, justement, sur un match, c'est impressionnant. On l'a vu face à Toulouse. Moi, je les imaginais pas gagner. Et encore une fois, on voit que Castres, même si tout au long de la saison, ils sont réguliers, voilà, ils finissent 5e ou 6e, ça s'est joué au dernier moment. Ils auraient pu ne pas être qualifiés. Et on les retrouve en finale. C'est une équipe qui sait, qui a de l'expérience, qui a l'entraîneur qui a un certain niveau et qui, à chaque fois, au grand rendez-vous, répond présent. Ouais. Donc, ça va être un match intéressant. Il me tarde de les voir. Et si on gagne, ce sera une saveur particulière. D'autant plus que, il faut le préciser, du côté de Castres, il y a de nombreux anciens joueurs de Montpellier, notamment Alex Tulou, Robert Eberson, Thomas Combezou, Alexandre Bias. Alexandre Bias. Donc, il va y avoir des retrouvailles, auxquelles on est habitué et où souvent. C'est assez chaud en championnat, et donc là pour une finale, vu l'enjeu, ça risque d'être vraiment, vraiment dantesque. Et puis voilà, il y a cette opposition de style entre une petite ville mais habituée à ces grandes joutes du rugby hexagonal face à Montpellier qui monte en puissance mais qui n'a pas l'expérience des finales, et qui aura la chance de jouer du coup sa deuxième finale de son histoire. Alors, point positif, pas de blessés, pas de bobos, juste des côtés, je crois, en tout cas côté montpelliérain. On craignait une suspension pour Bismarck Duplessis qui a mis une main au visage de Félix Lambie, finalement il n'en sera rien, il ne sera pas convoqué, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un maillon essentiel de l'équipe, de l'effectif montpelliérain. Et côté Castré, a priori pas de blessure non plus à signaler, donc ça nous promet tous les acteurs un choc. Rendez-vous. Une belle finale. Une belle finale. Et merci, on va parler d'ailleurs d'une autre finale un peu plus populaire, on va dire, connue de tous, la finale de Ligue Champion, pour y revenir très brièvement. Je pensais que tu allais parler de la finale à Lyon, où Gilles Simon a perdu face à Dominic Thiem. Non, ça, j'avoue que... Mais il a gagné à Roland. On va essayer de rattraper le bon, on en parlera tout à l'heure de Roland. Donc oui, un petit mot sur la finale. On va quand même rappeler le score, Victoire le Real Madrid qui a gagné 3-1. Pour la 13e Ligue des Champions. Victoire, on va dire, assez attendue, puisque quand même le Real Romain sort l'écharpe du Real. Hein. Le Real était favori. Qui a un sourire quand Karius nous a régalé avec sa savonnette là. Vraiment, somme du match. Donc 3-1, c'est vrai. Scénario du match, ouverture du score de Madrid. De Benzema. Benzema, un but, on va dire, un peu chanceux, vu que relance assez bizarre de Karius. Derrière, l'égalisation de Mané. C'est ça, exactement. Sur corner. Mané. Puis après, le superbe geste de Bale. Un but d'anthologie de Bale. C'est hallucinant ce geste là qui nous sort garde. C'est incroyable. J'ai été bluffé. Alors qu'il venait de rentrer, je crois d'ailleurs. Oui. Et derrière, je crois que c'est son premier ballon même. Ouais, c'est ça. Il disait cinquième ballon, il disait. Cinquième ballon. Bah, c'est efficace. Bah, c'est quand même à faire quand ça. Incroyable. Un ratio quand même pas trop dégueu. Et derrière, Karius a encore régalé. Une deuxième bourde. Un modèle de manette, de sécurité. Un peu à la Mathieu Message, ouais. C'est prise de balle. Ouais, sécurité, ça glisse pas, ça bouge pas, c'est stable, c'est du Neuer. Et voilà, une frappe, on va dire, sur lui, presque anodine, terminée. Et apparemment, Karius qui a reçu des menaces de mort. Ah, j'imagine, ça a été dur, ça a été dur pour lui. À la fin du match, il y a aucun joueur. On a vu Karius qui était seul en ligne. Aucun joueur l'a tapé, mais c'est normal. Aucun joueur de Liverpool qui est venu le voir. C'est très dur parce que pour là, tu te dis, j'ai plombé la finale de mon équipe. Parce qu'encore un parcours comme ça, c'est compréhensible, mais encore il fait une boulette, tu vois, c'est une erreur, mais là il fait vraiment deux boulettes. Deux énormes, ça tue le match. Laquelle est la pire? Techniquement, je dirais que la la première. Ah ouais, moi je pense la première. Tu peux pas faire une relance comme ça. Techniquement, c'est la seconde. Ouais, la seconde, techniquement, la une balle comme ça, c'est technique. Là, c'est vraiment nonchalant. D'accord, mais la première, ils sont absolument pas le jeu. Il a un mètre de lui, il doit jamais faire cette relance. Il est suffisant, nonchalant. Il était, je pense que c'est un garçon qui était pas prêt pour faire une finale du champion de toute façon. À mon avis, le savait. Et c'est d'ailleurs ce que Pierre Ménès a dit avant la finale. Pierre Ménès a dit, il manque un grand gardien à Liverpool. Il faut une défense aussi. Après, franchement, le trio d'attaque qu'on a vu, il pouvait être très menaçant, même avec l'absence de Salah. Ils sont tous tributaires les uns des autres au final. Mais c'est très dépendant, c'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont quand même réussi à se montrer menaçants, malgré ce coup dur. Il y a un moment où ils ont senti qu'ils avaient pris un KO. On savait qu'ils n'allaient pas gagner ce match sans Salah, mais je trouve qu'ils ont été très vaillants et ils ont eu la patte Liverpool jusqu'au bout. Quand il y a eu un partout, moi j'ai cru. Peut-être pas la victoire, mais en tout cas j'ai cru au moins. Ça leur a redonné un nouvel allant, l'égalisation. Voilà. Mais avec l'absence de Salah, forcément, le geste de Ramos, comment tu le sens, Romain, de manière objective, si tu peux l'être. De manière objective, effectivement, il y a une faute claire et qui coûte très cher à Liverpool parce que Mohamed Salah se blesse pour la Coupe du Monde. Visiblement, finalement, il serait disponible pour la Coupe du Monde. C'est ce qu'il se dirait en tout cas aujourd'hui, même si c'est pas encore totalement assuré, effectivement. Ouais. Après, par contre, je pense qu'il faut pas trop en faire non plus. C'est-à-dire que, comme souvent, et c'est ce que je disais à beaucoup d'autres personnes, Sergio Ramos, s'il est avec toi, tu peux aller au combat. Tu adores forcément ce joueur. À l'inverse, dès qu'il est contre toi, il me fait penser un peu à Diego Costa. C'est le mec qu'il faut l'avoir dans ton équipe. Il peut te faire gagner sur un geste. Il est quand même bien supérieur à Ramos. Ce n'est pas le même poste. Après, effectivement, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, je veux dire, il fait une faute claire, je suis d'accord, mais ça reste un duel et je ne pense pas non plus qui cherche à blesser intentionnellement. C'est ce que j'ai aussi entendu et là-dessus je suis pas d'accord. Effectivement, si vous regardez les images, Salah en fait lui attrape le bras en même temps. Ils sont les deux au duel et après effectivement lui fait la véritable faute. Salah a vraiment pas de chance de retomber sur l'épaule comme ça. C'est la faute à pas de chance. Surtout après une saison magnifique, on l'a vu, il était très marqué. C'est normal. Après effectivement ça change. Oui, et Carvajal aussi. Mais bon, c'était plus attendu Carvajal parce que je crois qu'il revenait de blessure aussi. Une saison un peu mitigée. Mais bon, pour autant, c'est un match important. C'est le titulaire de la droite de la Roja quand même. Exactement. Et cette saison, j'ai senti vraiment que lorsque Carvajal était absent, enfin un des latéraux d'ailleurs au Marcelo, peu de. À Marcelo, Les secondes couteaux, c'est des joueurs exceptionnels. C'est des latéraux exceptionnels. Et donc Nacho a fait une bonne entrée, ça c'est vrai. Mais le perdre, c'est un gros coup dur, surtout que les latéraux apportent beaucoup offensivement au Real. Et que Carvajal est très bon défensivement, contrairement à Marcelo. Donc, moi je pense que c'est plus dur de perdre Carvajal que Marcelo, si tu veux mon avis. Même si c'est vrai, les deux sont très bons. Et voilà, après, moi ce que je retiens, c'est quand même une très belle finale du Real qui remporte, on l'a quand même pas dit, la troisième d'affilée, la 13e de son histoire. Maintenant 7 Ligue des Champions et 6 Coupes d'Europe. Donc, ils ont fait basculer l'histoire, j'ai envie de dire, des matchs gagnés en noir et blanc à l'époque moderne. Et c'est remarquable aussi pour Zinedine Zidane. Moi-même je ne croyais pas forcément autant, en tout cas aussi vite, lorsqu'il est devenu entraîneur du Real et qu'il n'a toujours pas perdu en Ligue des Champions. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis voilà, Salah, ça fait mal, mais on a quand même senti, en tout cas moi personnellement, pour la première fois, c'est les 3 dernières finales que j'ai vues et donc les 4 en 5 ans où j'ai pas eu peur une seule minute. J'étais serein. La première demi-heure, très bien. Mais je t'assure que du début à la fin, j'étais persuadé que ça allait le faire. On peut en parler, c'est vrai. Je suis plutôt fier de Navas. Il en arrêt magnifique. Sur le plan du jeu, trois arrêts, Navas. Remarquable. Après, sur le plan du jeu, moi j'ai vu des Real bien meilleurs à ces 3 derniers en tout cas. Mais c'est vrai qu'ils dégagent une espèce de sérénité mentale et physique. On sent vraiment qu'ils ont une assise sur cette compétition. Et t'as l'impression que. Il y a toujours un facteur X qui fait qu'ils vont gagner. Un petit facteur X, un peu de réussite, mais comme on dit toujours, faut la provoquer. On sent que mentalement, ces mecs-là sont très difficiles à prendre. Je suis d'accord, mais je pense que cette année, plus que jamais, ils ont une réussite maximale parce que contre la Juve, ça passe à un cheveu. Contre le Bayern, il y a l'arbitrage qui leur est favorable. Et même finale, il y a des erreurs du gardien. Il y a des arguments chaque fois. Et un sentiment que c'était quasiment écrit. Je préviens dire, mais il y a un sentiment où tu te dis, putain, mentalement, ils sont là, les mecs. Ah oui, par contre, oui. Pour les sortir, il en faut, tu vois. Physiquement, ils terminent encore les saisons. Ça fait 3 saisons. font. Je trouve que Bale, il incarne vraiment ça. Le mec, il a pas trop joué cette saison. Ouais. Il rentre, il tente un retour acrobatique. Et... Bon, Zidane est un peu réussite parce qu'il fait rentrer le mec qui te claque un retourné comme ça. Mais bon, ouais, c'est... Bah, par contre, le but, il ne le doit pas la chance, c'est du talent. Ah, hein. C'est sûr. Bah, non, mais le but, oui, c'est que du d'ailleurs, talent. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez vu, mais le but de Cristiano Ronaldo contre la Juve et celui de Gareth Bale ont été. Les deux retournés étaient marqués exactement à la même minute. Ah ouais, c'est vrai. Belle coïncidence. À deux secondes près. À 63ème minute et 63ème minute et 2 secondes. Bon, ça apprend rien sur le match, hein, bien sûr. Hein. Anecdote qui sert pas à grand chose, mais qui est quand même assez énorme. Autre stat sur le match intéressante, quand même, c'est que Liverpool, avant que Salah sorte, c'est 9 tirs, donc sur 30 minutes, et 4 tirs sur les 60 derniers. Ah ouais. Ouais, c'est quand même. Apparemment, ça a quand même bien influencé ce match. Ouais, bah, c'est là que tu vois que quand tu perds ton meilleur joueur, c'est très compliqué. Et ils auront fait quand même une belle À suivre encore à nouveau, j'ai envie de dire, durant l'été, le feuilleton de Cristiano Ronaldo. Qui reste lors de la cérémonie. Est-ce qu'il a dit ça sur le moment pour rassurer les fans? Il a été. Il était nul de dire ça, je crois. On l'a pas trop vu sur le match. J'étais content au Racing. Un peu trop sur la fin. Il se mettre en lumière, pardon. Bon, les gars, les gars, s'il vous plaît. On va passer au tennis. Attends, juste petite transition footballistique, je sais que ça va être dur pour vous. Juste parler des barrages, je donne montée de Grenoble en Ligue 2 et le maintien de Toulouse en Ligue 1. Voilà, je sais que c'est dur de parler d'un Toulouse-Ajaccio après un Real-Liverpool, mais bon, je voulais juste donner l'info comme ça, vite fait, je la balance. Et à préciser donc respectivement contre Ajaccio et contre Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est ça, voilà, des matchs. Grenoble, ça fait plaisir. Ouais, pas forcément intéressant, mais. Voilà. Un beau sable, important. Et Béziers aussi qui est qualifié en. Ouais, qui est monte aussi en Ligue 2. Ligue 2 ouais. On aura du. Bonne année localement entre Nîmes et Béziers qui montent tous les deux, c'est plutôt pas mal. La région du sud de la France qui est en bombe. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a de quoi s'amuser là. On va passer au tennis du coup, puisque c'est finalement le thème de l'émission. Hein. Bien vu. Et notre invité qui est arrivé d'ailleurs, je la vois en backstage là. Ouais, toute silencieuse. Ouais. Vous savez, Roland Garros qui a commencé dimanche, on va vous balancer un peu quelques résultats. Au niveau des Français, on va pas vous le cacher, c'est assez mitigé. Hein. Comme d'hab, quoi. Je pense que comme d'hab, hein, sans surprise quoi. On va dire la grosse perf pour moi, ça reste celle de Corentin Moutet qui bat Ivo Karlovic. Ouais. C'est la première fois qu'il passe à un premier tour sur le circuit pro. C'est lui qui avait fait une sortie assez sympa là, non? Alors Corentin Moutet est réputé pour. Il a failli être exclu du. J'ai un souvenir de lui qui est assez positif, ouais. Ah oui, voilà, ouais. Donc le gars, c'est pas lui qui a tenté avec une journaliste. Merci là. De me couper comme ça. Non, c'est pas lui. C'est qui celui-là? De quoi? Celui qui avait tenté son coup avec une journaliste là, une fois là, en direct. Là. Je pense que lui, on le reverra plus à Roland d'ailleurs. Ah, celui-là, tu l'as pas? Je l'ai pas trouvé. Ouais, ça t'aurait plu ça, tu vois. Bref, Corentin Moutet qui gagne à 19 ans, comme le nombre d'années passées sur le circuit de Ivo Karlovic, qui est un des vétérans à 39 ans. Symbole. Ouais. Lucas Pouille qui s'est promené 6-2, 6-3, 6-4 contre Daniil Medvedev. Ouais, c'est bien d'ailleurs. Ouais, qui est maintenant conseillé par Tommy Haas d'ailleurs. Plutôt une bonne chose, je trouve. Alizé Cornet qui a battu Irani et son service supersonique en 3-7. Je ne parle pas du jeu sur Mega Drive. Belle. Benoît Paire qui a battu Carbalies Baena à l'espagnol en 4-7 aujourd'hui. Et là, ça, Kiki Mladenovic qui a firsté. Donc on retrouve la bonne Kiki qui retombe dans ses travers, qui a perdu 7-6, 6-2 après avoir eu 3 balles de 7 et enchaîné 2 doubles. Ah ouais, c'était donc le syndrome à la française quoi. Au niveau je des ouais, c'est assez Gilles Simon qui a gagné en 4-7 contre Vassil Ashvili aujourd'hui. Au niveau des têtes de série, la plus grosse surprise c'est Wawrinka qui s'est fait sortir par Garcia Lopez en 5-7. Ah, c'est une bonne nouvelle pour un Français non qui l'a sur sa trajectoire là bientôt. C'est mon fils non qui l'a. Ouais, mais honnêtement là, j'ai regardé un peu le match physiquement, Wawrinka il est à la ramasse complet donc. D'accord, ouais. Ouais. Ouais, il est dans le dur là, Wawrinka cette année. Même un top 3 qui est pas en forme top 10 face à un Français. Nishikori a battu Maxime Janvier, le Français, en 3-7. Dommage aussi. Ouais. Parce que Janvier était largement plus dans son match, je trouve. Et il a bien résisté, il perd 7-6, 6-4, 6-3. Honorable. Il était très très déçu zone d'après match. Zverev, l'un des favoris qui s'est promené face à Berankis. Ouais. 4 jeux inscrits dans le match pour le Lituanien. Salut. Ah messieurs, les blagues, c'est pas en off, hein, c'est en direct. Ouais. Allez-y. Hein. Tu peux. Ah, il assume pas. Non, c'est. Allez, d'accord. Ça dégage. Non, j'ai fait faire une blague avec Janvier, mais. Ouais, j'ai vu des sourires. Tu veux que je t'en fasse une petite? Janvier, allez, au mois de mai, tu pas tu vas me dire si tu l'apprécies. Il y a la Française Amandine S qui jouait, qui avait une wild card l'année dernière. Elle a pris 6-1, 6-0. C'est la S. Voilà, désolé. Et cette année, elle a pris 6-1-6-1. On la remercie pour sa participation. Et match. Elle fait beaucoup d'ace, mais rien à voir. Oh, pas mal. Oh, elle est belle. On aurait préféré, mais elle est belle. Ça, c'est mieux, ça, je préfère. Plus subtil. Qu'est-ce que j'ai Sloane Stephens chez les femmes qui passe. Pas de moi là, non. Svitolina qui est passée, Kvitova également. Te force pas après, hein, s'il y a des matchs qui n'ont pas. Est-ce qu'il y en aura de bons matchs la semaine prochaine? Oui, il faut être patient. Quoi. Puis tout au long de la semaine. Oh, ça y est, là, je vois son regard. Oh, attention. Il sent qu'il a oublié un truc d'importance. Wozniacki qui est passé aussi. Ouais. Mais voilà, en gros, les principaux résultats. Quoi. Bah, merci, Timothée, t'as été complet. De rien, comme toujours. Guillaume. Et Gasquet qui a défouraillé ses pistes 6-0, 6-2, 6-2. C'est bon à savoir, ça. Qui est par contre dans la partie de tableau de Nadal qui peut l'affronter au troisième tour. Donc ça, ça sera un peu moins drôle. Pas longue vie à Gasquet là, par contre, ça va être expulsé. La revanche du tournoi des petits as, les puristes. Malheureusement, pas le même scénario, à mon avis. J'y pense, on parlera pas de l'affaire Rabiot, on en a assez parlé. Mais non, du coup, dans les médias, on est tous d'accord pour dire qu'il a été ridicule. Il est exemplaire, ouais, c'est sûr. Le fils de maman, il a le cerveau d'un mollusque. Quoi. Voilà, tant pis pour lui. Il mérite même pas qu'on en parle, tu vois. Dire qu'on en parlerait pas, quoi. J'avais envie de le dire. C'est déjà une humiliation pour lui. Donc là, on enchaîne sur la première pause. Qu'est-ce que je dis, hein. Le jingle Sport Montpellier. Hein. Comment les oublier après un week-end comme ça? Sport and Chill. Le sport montpellier. Alors que c'est un des meilleurs week-ends peut-être de l'année sur on Sport dit qu'il Montpellier. A voulu sweeper le Montpellier. Quoi. Ouais, pourtant, il le mérite pas, hein, vu ce week-end assez... assez victorieux. Je rechange d'écharpe, tu vois. Ouais, il est multi-écharpe. Bon, au final, il fait un 180 degrés, puisqu'il a le MHR d'un côté et caméléon, et celui-là. Hein. Ouais, parce qu'après, on a bu des coups quand même avec les Lyonnais. Ah, ben j'imagine. L'un n'empêche pas l'autre. La beauté du rugby. C'est l'échange et quelques bières, et puis ça renforce tout le monde. On va quand même rappeler, même si tu l'as dit, Paul, pour le résultat du MHR, on n'a pas parlé du MHB, du coup, qui a remporté sa deuxième Ligue des Champions de son histoire après celle de 2003. Ils avaient battu le Vardar Skopje 28-27 dans un match vraiment à haute intensité et où vraiment ils ont fait la décision en fin de match. Ils ont gagné 28-27 et en finale ils ont affronté non pas le PSG qu'on aurait pu s'attendre en favori, mais surprise. Nantes qui avait éliminé PSG 32-28 et en finale une finale qui a tenu toutes ses promesses. Hein. Franchement, c'était longtemps indécis. Montpellier a globalement mené tout le long, mais à chaque fois qu'on pensait qu'on pouvait se détacher, finalement Nantes revenait. Il y a eu, je crois, 24-24 ou 25-25 même. Mais vraiment, 17-24. Ouais. Voilà. Score final 32-26. Ils sont jamais passés devant. Voilà. Ils sont jamais passés devant. J'ai vu le match, j'étais assez agréablement surpris parce que. C'est un régal ce match. Honnêtement, j'ai eu le réflexe un peu bête de me dire qu'après un match aussi éprouvant qu'il y avait eu la veille, que ce soit des deux côtés, Nantes contre le PSG ou Montpellier contre le Vardar. Les mecs ont des ressources physiques, hein. Je me suis dit, physiquement, ils étaient encore bien frais et on a vu la fin de match, Montpellier a terminé en trombe et a vraiment semé l'écart. Mais en tout cas, des deux côtés, ça fait plaisir de voir deux équipes françaises de hand, voire même Paris qui a fait un bon parcours. On sait combien de buts a marqué Richardson? Parce que bon, je l'ai 4 seulement. Ah bon? Ouais, mais il a fait une rentrée fracassante. C'est vrai que j'ai chaque fois il a pris une meilleure en deuxième mi-temps. Même en demi-finale, au final, il en marque quand même 5 ou 6, il me semble. 6. Ouais, non, il est très, très prometteur, le garçon. Hein. Pour le coup, j'avais jamais vu. C'est là que tu vois que le talent, il est héréditaire. Quoi. Ah ouais, là vraiment, il a la vitesse, la puissance, il dégage une sérénité. La détente qu'il a. L'exigence du haut niveau plus que le talent qui est éditeur, ouais, mais bon, enfin, quand tu vois la carrière qu'a eu son père, et c'est quand même prometteur, je trouve. Ton père avait sûrement une très belle technique aussi. Faut la mettre aussi. Surtout avec le four à pizza. Et la finition aussi, peut-être. Non, Richardson, la révélation de ce week-end. Ouais, clairement, ouais, moi je. Clairement. Il montait déjà en puissance depuis quand même quelques temps. Et là, il a confirmé que même lors de grands rendez-vous, il est présent. Fallait compter sur lui. Il sera précieux pour la suite. Et les gars, du coup, j'avais une petite question. Rien de m'enflammer, pas trop mon genre, hein, mais le sport montpellierain, avec cette victoire du MHB et du MHR, ça fait que ça et surtout la. Qu'est-ce que je raconte? La finale du MHR, pardon, en top 14 et la victoire du MHB en Ligue des Champions. On l'espère. Sachant que Montpellier est deuxième dans Liga de handball. À égalité avec le PSG. C'est quasiment cuit, je crois, hein, au Glavirage, ils sont devant Paris. Pour le qu'ils perdent. C'est quasiment cuit. Ils ont perdu contre Saint-Just. Enfin, Saint-Just, c'est Saint-Just, ouais. J'ai cumulé. Ils ont perdu contre Sussargues, en fait. J'ai cumulé. Ah ben bah, à mon avis, Sussard a une très belle équipe de Horn. Mais j'y suis possible. Pas, non, pas justement, ouais, non, malheureusement, Montpellier a perdu contre Saint-Raphaël, c'était décisif. Peut-être là où ça s'est joué. On en discutait avec Romain d'ailleurs, on était en live tous les deux. Et il y avait 27-27. Vous faites des lives devant les matchs, les gars? Et puis, finalement, ils mettent un but dans les derniers instants de la partie. Ouais, bref, du coup, je vais finir ma question. Oui, pardon. Ça va, vous? Avec cette finale du top 14 qui se présage et cette victoire du MHB. Et la saison, je trouve, honorable du MHSC, est-ce que pour vous, c'est pas l'une des meilleures saisons depuis ces 10 dernières années du sport montpellier? Ah ouais, très certainement. Ouais. On est d'accord là-dessus? Très certainement. Puis en plus, si on voulait un petit peu compléter, alors je vais pas être exhaustif parce qu'il y a d'autres sports, mais on a parlé du hockey chez cette année, par exemple, qui remonte d'une division, après, de la Ligue Magnus. En volley basket, c'est mitigé. Quoi. Voilà, en basket, ça a été moins bon que les autres années pour Romain Villat. Voilà. Ok, pas mal. En hockey, donc pas mal. Le futsal, bon, saison difficile, mais. Mission impossible. Mais mission impossible au vu des points enlevés en championnat. Mais c'est une équipe aussi tout à fait compétitive. Et puis on dirait un dirigeant qui parle. Et puis on a les féminines du MHR qui sont devenues championnes de France à nouveau. C'était il y a deux semaines, c'était au cours de la dernière émission dont on avait parlé. Donc on a vraiment une densité au plus haut niveau qui est assez remarquable. Une parité aussi qui fait plaisir. Et les féminines de Montpellier aussi au football qui ont été assez brillantes cette année. Quart de finaliste de Ligue des Champions, troisième du championnat. Donc ça fait des très très beaux résultats. Et puis c'est vrai qu'on a quand même besoin, même si on parle de tous ces sports, je trouve, d'avoir nos grands sports. J'aime pas trop dire ça, moi je suis, vous savez que je suis pas majeur, sport majeur, sport mineur, c'est pas mon délire. Mais en tout cas les sports les plus populaires qui soient en haut de l'affiche pour pouvoir faire vibrer toute une ville. Et au football, saison tout à fait honorable. Et puis surtout au rugby, c'est une finale. On en a réalisé qu'une autre, c'était en 2011. Voilà. Donc ce sera quand même une année assez remarquable. Il faut dire aussi que pour le rugby, le top 14 est si fort. Et puis il y a une telle légende, j'ai envie de dire, autour du bouclier de Brennus, que c'est un peu le trophée mystique par excellence. Peut-être presque plus des fois que la Coupe d'Europe. C'est un peu comme la Première Ligue en finale, le rugby en top 14. Oui, c'est assez comparable sur le prestige qu'il y a autour de cette compétition. Toi. Après, bon, les cas sont pas toujours, peuvent pas toujours se rapprocher. Et puis pour les MHB, c'est sûr que on a l'impression d'être habitué à ces titres, mais je sais pas ce que tu en penses, Michel, mais justement, quand on voit bien autour du MHB, on attendait pas forcément ce titre cette année. Il remonte en puissance progressivement, mais ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas gagné la Ligue des Champions. C'est la deuxième fois de l'histoire, c'est quelque chose de très grand, c'est gagné sur la scène européenne. À jamais les premiers, hein. Ils ont à jamais les premiers, effectivement. Et à jamais les seconds maintenant. Et oui aussi, et effectivement. Et puis on aura éliminé le Barça, on aura éliminé Flensburg avec un match retour incroyable au Final Four. On sort le Vardar Skopje qui est vainqueur l'an dernier de la Ligue des Champions. Et puis en finale, on tombe Nantes avec un podium français magique, d'autant plus avec Montpellier sur la plus haute marche. Ouais. Et puis on a su se renouveler alors qu'on avait eu une période difficile. Donc on vit une année exceptionnelle et j'espère aussi, alors je sais que tu étais à l'aéroport pour recevoir les joueurs, mais qu'on fera une belle fête au MHB, peut-être sans doute après le dernier match contre Dunkerque jeudi. Ce sera planifié peut-être un peu plus tard au niveau de la place de la comédie. Hein. Sans doute que notre Philippe Sorel nous prévoira quelque chose. Ça va chiller, parce qu'il le mérite vraiment. Normalement, il doit avoir rien, mais c'est de nouveau une génération dorée. Ah, c'était peut-être l'année ou jamais aussi pour la re-remporter, sachant que Ludovic Fabregas et Vincent Gérard nous quitteront l'année prochaine. Mais non, Gérard, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Ouais, encore. 2019, il part Gérard. Ouais, voilà, l'année suivante, mais en tout cas, on a toujours des ressources et ça fait plaisir. Parce qu'il a des ressources illimitées. Parce qu'en plus, le hand, c'est le sport, ça reste le sport numéro 1 à Montpellier. Quoi. Oui, oui. Donc on a besoin de résultats aussi forts hand. Pour rebondir ce que tu viens de dire et pour répondre à la question de Tim, je pense quand même que l'année du titre du MHSC, c'est là où il y a eu un plus gros retentissement en dehors de la ville. Oui, bien sûr. C'est le sport qui va te remplir la com. Mais là, on va dire, c'est plus complet. C'est vrai que là, tu compares quand il y avait la finale, quand Montpellier était en finale top 14 en 2011, il y avait 1000 supporters peut-être sur la com, je sais plus combien il y avait. Et quand tu regardes les deux derniers matchs qui étaient retransmis sur la com pour l'année du titre de Montpellier en finale, il y a plus de 30 000 personnes. Mais après, incomparable. Ça c'est tributaire de la résonance médiatique. Donc, c'est ça, le foot reste le sport le plus populaire, et comme tu dis, Alex, c'est très joliment sport, dit, très bien dit, mon cher Tim. Mais voilà. Mais c'est une des plus belles, je pense qu'effectivement, derrière 2012, parce que le football est le sport le plus populaire et qui ramène le plus la foule. Malheureusement, oui. Voilà, ce sera exceptionnel. Il sera peut-être moins médiatique. uniquement mise en avant, mais voilà, avoir deux équipes qui peuvent gagner des titres aussi importants que le top 14 et la Ligue des Champions sera très fort. C'est quand même très fort. Ok, bah merci les gars, je crois qu'on a été complet. On va balancer la première pause musicale. On va la pause chinerie même, on peut dire. Ouais, la première chinerie de la journée. Ouais, super. Et on va s'envoyer Kolsch Talbot. Tu es dans le turfu, mon team. Thank you. c'était Coach Talbot. Et on va passer à l'interview de la semaine avec notre invité qui est arrivé, qui est en studio. Bonjour. Salut, présente-toi. Salut. Bon, voilà, t'as le casque. Tu peux le baisser tranquillement. Okay. T'es pas obligé, c'est pour avoir un retour si tu veux. On t'entend en tout cas. Donc. Ça sera plus agréable pour toi, à mon avis. Nice. Donc, on reçoit Tiffany du club de la SPTT. Donc vas-y, présente-toi un petit peu plus en détail si tu veux. Oui, du coup je suis licenciée à la SPTT, je suis actuellement à 1-6, classé 1-6, j'étais moins de 6 il y a 2 ans. C'est un bon classement on va dire, qui ouais, montait, ça... ah, plutôt, oui. Pas trop mal. J'ai eu une blessure au poignet gauche qui en fait c'était une malformation. J'ai eu une malformation de l'os qui fait que je suis passée à une main, j'avais un revers à deux mains, donc je suis passée à une main depuis un an et demi. T'avais un problème au poignet? Ouais, c'est ça. J'avais un os qui était trop long, du coup ça crée un... Et ça te faisait quoi? Ça te faisait une douleur au niveau de la rotation du poignet? Ouais, quand je faisais le mouvement en fait, du revers, quand on fait la mise à niveau, à deux mains, quand on fait la mise à niveau, quand ça passe. Le problème, c'est que j'ai exactement la même douleur. Donc, ah, ben un point commun entre les deux. Bon, moi je joue pas un 6 par contre. Pas loin. Pas loin en ce moment. Et du coup, oui, t'es au club depuis combien de temps? Alors, ça fait un an et demi. D'accord, un an et demi, ouais. T'es avec PH, qu'on a reçu il y a quelques mois de ça, sur un débat sur le mental à française, le fameux mental à française. Exact, ouais. Qui était venu nous parler de l'importance du mental dans le sport du tennis et qui est ton entraîneur. Est-ce que, justement, lui, il t'en parle beaucoup de l'aspect mental. Je sais que lui, c'est un truc qui est assez à cœur. Est-ce qu'il t'en parle Oui, il m'en parle beaucoup, c'est vrai, ouais. Il m'en parle beaucoup. C'est vachement important. C'est surtout sur moi, quand je passais à une main, bah du coup c'est un coup dur. Ouais, parce que peut-être qu'au début, t'avais un manque de repères. Ouais, quand j'avais tu changes un manque de repères, c'est tout ton jeu qui est bouleversé. Ouais. Ça change tout. T'as fallu beaucoup de temps, j'imagine, pour prendre une prise tout en sécurité. Est-ce que inconsciemment, au début, comme t'avais cette nouvelle prise, tu jouais plus du côté droit vu que automatiquement, je décalais beaucoup en coup droit. Ouais. Et sinon, je faisais des chops, du coup, qui étaient plus facile à faire. Mais bon, sans forcément de... Enfin, moins d'impact, forcément. Donc, là, tu commences à mieux te sentir, du coup, sur ce environnement. T'arrives à le taper encore ou... Ouais, j'arrive à le taper, je le sens bien. Ouais. Après, en match, c'est toujours différent avec le mental qui prend en compte. Mais à l'entraînement, je le sens plutôt bien. Non, il faut que ça se mette en place en match. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que t'étais en terminale, c'est ça? C'est ça. Donc... J'imagine, parle-nous un peu du temps d'entraînement et tout qui est pas facile à gérer, j'imagine, cette année par rapport aux autres années. Ouais, alors là, je suis en terminale ES, je suis au lycée Jean Mermoz, donc j'ai des horaires aménagés. On a un partenariat avec la SPTT et Mermoz. Donc je finis pas plus tard que 16h. Ouais, c'est pas mal. Ça me laisse le temps, c'est juste à côté, c'est à 10 minutes du lycée, le club. Donc ça me laisse le temps de m'entraîner l'après-midi, le soir, faire physique, tennis. Je joue beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant j'étais au CNED, je faisais cours par correspondance, donc je faisais de l'entraînement bi-quotidien. Alors que là, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, qui reste quand même pas mal, mais c'est pas la même intensité. T'aimerais, t'as déjà fait plus et t'aimerais plus peut-être. T'as les entraînements, mais t'as aussi les matchs, donc tu peux pas forcément t'entraîner à plus d'intensité. Ouais, c'est pas trop après, ouais. Ouais, j'ai pas trop matché par contre cette année du coup. J'ai préféré beaucoup m'entraîner, laisser après le bac voir ce que je fais. Avoir plus le temps pour faire. Cet été déjà, tu veux te rattraper sur quelques tournois. Dès que déjà, le bac il est fini, on va faire plein de tournées, enfin une tournée sur Montpellier, plein de petits tournois. Et l'an prochain, j'aimerais partir aux États-Unis, donc pour jouer dans une université. À l'année, tu veux dire, exprès pour le tennis. Il y a des universités là-bas où on a aménagé. Quels sont les objectifs de classement peut-être pour l'an prochain là, même si ça n'est un peu difficile. Là, c'est de se maintenir déjà un 6. Ouais, et si je peux remonter, ce sera que du bonus cet été. D'accord. Parce que du coup, ton meilleur classement, ça a été moins de 6. Moins de 6, exactement. D'accord. Ce qui est déjà un classement. Ce qui est déjà très performant. Intéressant, tu te projettes vers encore plus haut, vraiment, ou tu essayes de juste atteindre un bon niveau. Et puis, est-ce que tu as vraiment envie de percer dans le tennis ou. Alors là, j'ai vraiment. Cette vision-là. J'ai plus cette vision-là. J'avais cette vision-là avant, quand j'étais au CNED et tout. Là, j'aimerais remonter à moins de 6 à mon classement. Et si je peux aller plus loin, oui. Donc numéroté pourquoi pas, mais négatif ce serait déjà pas mal. Ouais, ce serait déjà très clairement une bonne performance. C'est du coup, tu te projettes pas encore de faire vraiment une carrière ou de faire de ton métier dans le tennis? Je me laisse du temps encore avec l'université. Il y a ces 4 ans en fait là-bas. Donc si au tennis j'évolue et que je progresse plutôt bien, après les 4 ans je me lancerai peut-être. Mais sinon je me vois pas en tant que joueuse, peut-être entraîneur plus tard, mais Ou dans le staff technique ou même sparring partner, tu peux c'est accessible. Oui. Donc, tu sais vers où tu seras aux États-Unis Pas du tout encore, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas encore demandé, mais. Parcoursup ou Parcoursup. Ah là, on est dans une autre galaxie pas... là. Il n'y a pas beaucoup d'Américains, à mon avis, à Parcoursup là, tu vois. Et quels sont les. Comment ils détachent les entraînements, PHC? La part de physique et de technique, comment elle se passe la semaine? Alors, on va avoir le physique qui va être souvent avant le tennis. Ouais. Mmh. Donc, on fait physique, soit on fait une partie vitesse puis tennis, soit une partie un peu renforcement musculaire puis tennis, ou un intermittent. Enfin, tout ce qui est endurance et toujours un tennis derrière. Et voilà, après on fait d'autres sports un peu à côté, sur les périodes foncières, un peu de... Mmh. On va courir, natation, un peu de crossfit. Pour travailler l'endurance, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Mmh. Il est pas trop dur, ça va? Ça va. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. C'est vrai qu'il a une prestance et on a envie de l'écouter, quoi. Ouais, il est motivant. C'est vrai. Ouais. Il est motivant, il est exigeant. Moi aussi, donc, ouais. Mais bon, parce qu'il faut tous les bons coachs. Tu sais que l'exigence dans le sport, c'est indispensable. Ah oui, ça c'est sûr. On t'imagine impatiente avant de partir aux États-Unis. T'as vécu toute ta vie ici à Montpellier ou t'as... Oui. Ok. J'ai vécu toute ma vie à Montpellier. Donc là, ça serait une première grande aventure, on va dire. Ça va changer. Un très grand départ. T'as l'appréhension sur les méthodes de travail là-bas ou... Pas du tout. Non, ouais. Ça va. J'ai eu des entraîneurs plutôt comme PH un peu exigeants, donc ouais, ça va. T'es habitué avec PH, c'est bon. C'est fait, quoi. Et là, comme ça, si on devait te demander sur ton jeu, qu'est-ce que tu... Ou pas forcément sur ton jeu, d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'améliorerais en priorité? Que ce soit au niveau du jeu, de l'aspect technique ou physique ou même mental, hein. Sur l'aspect, donc je vais commencer par le physique parce que je pense que c'est là où je dois beaucoup travailler. Okay. Donc ça va être plutôt l'explosivité chez moi. Je manque d'explosivité et au niveau de la vision, je suis plutôt... je vois un peu en retard, on va dire. Je réagis tard, je me prépare tard, donc je suis souvent en retard. Après, niveau mental, c'est de réussir à reproduire ce que je fais à l'entraînement, à le reproduire en match. Mmh. Ouais, d'être relâché, quoi. Ouais. Ça, être relâché. C'est ça. Et après, dans le jeu, c'est arriver à m'imposer, à continuer à renforcer le jeu. Voilà, renforcer mon service, mon coup droit, se tourner autour de ces deux coups et avec mon revers pouvoir slicer pour changer de rythme et pour faire varier un petit peu. Chez les filles, ça. Tu caractérises comme quoi, comme style de jeu? Plutôt défensif dans le contre ou quand même t'aimes bien prendre en main le jeu agressif J'aime bien prendre le jeu en main et être agressif. Mmh. D'accord. Aller vers l'avant. Ça m'étonne pas de la pâte PH. Ouais. Okay. Ça, c'est la pâte à SPTP. Hein. Ouais, ça, c'est. Tu devrais réfuter pour être en France. En plus, on peut le dire, t'as de la bonne concurrence à l'SPTP parce que je sais que les féminines sont plutôt pas mal. Le groupe est d'un bon niveau, je crois. Ouais, on a l'équipe 1 qui est en National 1A, qui je pense qu'elles sont descendues cette année, il me semble. Mais ça joue très bien. Elles sont. C'est déjà très bon. Il y a Tessa. Jade, Virginie, enfin, ouais, il y a plusieurs très belle équipe. Il y a Océane Dodin qui était à l'SPT. Il y a un petit moment. Ouais, elle était l'an dernier. Mais elle n'a pas joué de match à l'SPT. Non. Elle a pas, c'est vrai que je me rappelle, elle n'avait pas joué en équipe. Ouais, elle avait juste signé pour l'SPT. Ok, ouais, d'accord. Voilà, ouais. Bon, heureusement, toi, t'as signé, au moins t'es. Ah, moi, c'est bon. Du coup, t'as pas fait les compétitions par équipe Alors, je suis dans l'équipe 2, moi. Donc, ça se passe maintenant. Sauf que je suis un peu blessé au dos, du coup j'ai pas pu. Donc là, est-ce que tu vas pas pouvoir reprendre Mais on est en pré-national, donc c'est bien aussi, on a une bonne équipe. Oui. Enfin, du coup, tu t'alignes en double aussi? Ou tu joues quoi en simple? Normalement, je fais simple et double, et là j'ai fait le premier match où j'ai fait le simple et le double, mais mon dos, du coup, il a un peu. D'accord, ça a un peu gonflé aussi. Donc j'espère pouvoir jouer les deux derniers matchs, mais pour l'instant, je sais pas encore. Ok, une incertitude. Ouais. Comme pour moi. Bah écoute, Tim, t'as d'autres questions notre joueuse du jour ou Je sais pas, si on peut demander les pronos pour ce Roland si tu veux. Ouais, déjà on peut lui parler tennis féminin. Qu'est-ce que nous on reproche souvent qui est un peu de flottement là sur ce classement WTA des féminines où ça tourne un peu. C'est au-delà de la deuxième place, vraiment c'est beaucoup trop fluctuant, je trouve. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu suis un peu le tennis féminin? Je suis un peu, pas énormément, mais je suis le minimum, on va dire. Ouais. Je pense que c'est... Là, je suis d'accord avec vous, c'est très fluctuant. Par exemple, celle qui a gagné Roland-Garros en dernier, elle a été éliminée au premier tour. C'est ce qui nous, chaque fois. Mais c'est pas étonnant venant du tennis féminin, puisque y a toujours de la place. Enfin, ça change beaucoup. Il y a quoi faire, tu vois, comme quoi, si tu montes bien aux États-Unis, dans 4 ans, tellement ouvert qu'on va la voir à Roland l'an prochain ou dans 2 ans, peut-être. avec une prise à une main plus avec des chips sûr, là, des chips ouais avec une chip belle and charge là, un peu là comme ça bonne longueur là et là ouais le ton, bah, alors, comme c'est difficile à pronostiquer qui tu verrais toi cette année en Roland comme entre guillemets favorite parce que c'est vrai que nous on a même toi team moi je moi le tableau féminin j'ai du mal non plus, à j'aurais du mal à trouver une précisément qui pourrait j'ai envie de te dire plusieurs. J'ai envie de te dire Alep mais elle, ouais. Elle a un déficit mental donc ouais dans les finales elle peut craquer attention aussi attention avec Vitova ouais aussi ouais, donc, qui est pas si mais... les Tchèques sont toujours au rendez-vous ouais. Ils sont capables ouais. D'être Pliskova, là Pliskova qui joue à Williams d'ailleurs tennis tchèque se porte toujours aussi bien mais c'est vrai qu'en plus je pense je connais pas ton avis mais on peut aussi peut-être parler de la surface sur terre battue j'ai l'impression qu'en tennis féminin c'est encore plus ouvert. Alors il y a quelques spécialistes, comme on peut retrouver des spécialistes de terre battue chez ouais, chez les hommes. T'as raison parce qu'il y en a mais, beaucoup moins. Mais je trouve que y en a moins déjà, et donc c'est un tournoi en plus, ce qui est assez intéressant aussi, hein, mais qui amène à avoir plus de surprises et sur même l'ensemble de la saison de terre battue en tennis féminin que peuvent l'être je veux dire l'US Open ou l'Open d'Australie notamment où on a vraiment vu des airs avec des joueuses capables de l'emporter de manière successive. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai que sur terre chez les garçons ça va être Rafael Nadal qui va vraiment tout dépasser. Et même les Espagnols en général sont toujours assez bons alors sur terre. Chez les dames il y a moins de ça ressort moins ce jeu sur terre déjà, qui fait très mal. T'as très peu de sud-américaines chez les femmes alors que chez les hommes t'en as pas mal, t'as pas mal d'argentins, de colombiens ouais l'Amérique du Sud il y en a beaucoup voilà, chez les femmes t'en as moins donc t'as moins de spécialistes sur terre et en Espagne on retrouve maintenant Muguruza elle aime pas du tout jouer sur la terre, sa spécialité c'est le gazon donc comme vois, quoi c'est forcément sa surface préférée. Je pense que la dernière à avoir vraiment réussi à enchaîner les grandes performances finalement à Roland c'était Justinena Harden. Ouais. Qui l'a remporté quand même 4 fois. Belge. Ouais. Il y avait eu un bon moment d'ailleurs, tu parles belge entre Kim Clijsters et Justine Henin. Il y avait des belles années. Ah oui, exact. Ouais. Donc ça, à voir maintenant ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple Yelena Ostapenko qui l'a emporté l'année dernière, qui avait été vraiment la révélation. Saison, il fait 118. Puis cette année, on avait été très surpris et on voit très bien que c'est difficile pour elle de confirmer, confirmer cette année. Donc ça risque d'être. Ouvert très et je ouvert, pense qu'il n'y a que des outsiders, il n'y a même pas, même si on peut penser favorite, à Simona Halep, une favorite qui se détache. Ouais. Mais bon, on le critique souvent au tennis féminin, ça fait aussi son intérêt, je pense, pour le tournoi de cette année. Vrai. Alors on voulait, oui, on voulait en parler, on en reparlera peut-être, mais c'est vrai que des fois aussi, je pense que le manque de suspense dans le tableau masculin peut aller aussi contre l'intérêt qu'on peut y porter, jusqu'à en tout cas de nombreux tours dans le tournoi. Alors que là, c'est vrai qu'on peut s'attendre un petit peu à tout sur le tableau féminin. Il y a certaines incertitudes. Des chances françaises, peut-être, je sais pas. Ah oui, j'espère bien. T'as une favorite, un style de joueuse qui te parle le plus? Non, j'ai pas de favorite. Je les apprécie toutes parce que je trouve ça énorme ce qu'elles font. À des riches pour le mental, peut-être. Oui. Dernièrement, en tout cas. Non, mais ouais, t'as pas de modèle précis. Non, j'ai pas de modèle précis. Bon, c'est Roger Federer. Ou sinon, vu que t'es passé en revers à une main, Amélie Mauresmo. Ouais, peut-être. Ouais. T'as une grande carrière. Voilà, ouais. Ouais, c'est quand même notable, quoi. Je l'aimais bien avant, même quand j'étais à deux mains, donc. Ah, c'est bon. Belle histoire. C'est pas ça qui a changé les choses. Belle histoire. Toi, d'ailleurs, on parlait de surface. Quelle est ta surface favorite? J'imagine que la SPTT était plus dure, même si elle est de terrain annexe qui sont en fausse terre battue, je crois. Non, c'est de la vraie terre battue. Ah bon, elle me paraissait pas si bonne, donc c'est pour ça que j'ai. Je critique mon club, donc j'ai le droit. Elles sont très bien. Dans la région, elles sont toutes comme ça. C'est un souvenir des Roland Garros que j'ai fait avant, c'est pour ça que me paraissait plus. C'est pas la même chose, il n'y a pas de. Donc toi, tu te trouves. Alors, j'aime bien les deux, j'aime bien sur dur parce que mon jeu il va faire mal sur dur. Surtout sur intérieur, j'aime bien. Par contre, comme j'ai besoin de temps. Ah bah quand ça va être sur terre, ça va m'avantager plus de aussi. Temps, donc de glisser et tout. Ouais. Comme sur dur, on va plutôt jouer l'hiver. Mm. Bah ça me dérange pas. Et une fois que l'été arrive, ça va être plutôt sur terre. Donc c'est pas désagréable. Le gazon, pas du tout. J'ai jamais joué pour de vrai sur le gazon. Ah oui ouais. Après, moi j'ai fait. Ouais. Dans la région, il y a très peu de courses sur gazon. Très très rare. Ouais. Beaucoup plus sur terre. Et je voulais te poser aussi une autre question. Je l'ai pas. je l'ai plus. Elle est assez volatilisée comme ça, ouais, comme du vent. Charisme, quoi. Alex, alors, j'ai une question. Ah, bah, dire ça. J'ai vu qu'il y avait un débat autour de Serena Williams et de sa maternité. Comme quoi, elle a reçu sa wildcard, mais elle n'est pas intégrée dans les têtes de série, c'est ça? T'as un avis sur ça ou... J'étais pas au courant. Tu nous as pas une news, en tout cas. Du coup, c'est quoi le débat? C'est le fait qu'elle puisse avoir une wildcard alors que... Les médias américains disent que justement Roland-Garros snob le fait qu'elle ait voulu devenir mère et qu'elle n'est pas intégrée à son statut. Parce que là, du coup, elle affronte demain Pliskova qui est une super joueuse sur Terre, donc c'est dur, quoi. Même pour Pliskova, du coup, ça peut être dur. C'est ça. Pas un cadeau pour une tête de série. Non, mais ils avaient déjà sweepé Sharapova l'année dernière, donc c'est pas... Pas trop étonné, quoi. Okay. Non, ça confirme. D'ailleurs, effectivement, à suivre Maria Sharapova. Comme Azarenka. Oui, sachant que ce sont des joueuses qui reviennent bien cette saison. Des grandes championnes, elles vont être capables d'aller loin dans ce tournoi. Mais oui, tu m'apprends aussi quelque chose, tu vois, pour Serena Williams. Alex, il nous a prévu. Je n'avais pas vu ça. C'est quand même. Celle-là, sur une image, j'ai vu, elle est à 6. C'est pas beaucoup pour moi, tu vois. Mon Cam qui aurait pu mettre 10 balles. L'émission qui est brillante. On sent que tu as une petite rancœur sur Cam qui a réussi un beau prono, pourtant qui devrait être fair play. Ouais, il est très beau, ouais. Il a pris 200 euros sur le Real. Code Fair Play, il a max. Ah ouais. J'ai vu qu'elle était doublée pour le premier pari. Ouais, 4-5 grand joueur de poker qui est en face. On s'éloigne du tennis tout à coup. Ouais, on revient au tennis. Dans une saison un peu dangereuse. Tu as retrouvé ta question. Voilà, j'ai retrouvé ma question et mon charisme. Du coup, c'était une question assez bateau. Bien sûr. Est-ce que. Timothée, je sais que tu souffres de cette concurrence, mais Ouna. C'était un des points, enfin peut-être le moment le plus fort de ta jeune carrière, on va dire, un moment qui t'a ému dans le tennis. T'en as pas pour l'instant? C'est vrai? Si, il y en a quelques-uns. Pas un petit titre ou un match avec des filles, double? C'était ou, pas des titres, mais c'est plutôt. J'avais fait les petits as. Ah, ok. C'est à noter, quoi. Ouais, j'avais gagné les pré-qualifications. J'ai gagné les qualifications nationales. Et derrière, dans les qualifications internationales, j'ai été passée au deuxième tour. Donc, je gagne au premier tour contre la fille qui est 70 à peu près. Moi, j'avais pas trop de classement. Et donc, du coup, j'avais fait un très bon match. Et j'avais joué derrière sur le central, le dernier tour des qualifications. Ah, sympa, quand même, ouais. Contre la tête de série, une très bonne joueuse. Et j'avais fait un très bon match. C'était un très bon souvenir, puisque j'étais vraiment outsider, puisque j'étais dans les pré-qualifications. Ouais, forcément. Et après, j'en ai un deuxième où c'était... T'avais quel âge, du coup, quand t'as fait le tournoi des Pizas? 13 ans. Ensemble, parce que c'est moins de 14 ans. Donc, okay. Ouais, c'est ça, bien joué. Et après, il y en a un autre aussi, c'était sur un ITF junior, un grade 2, il me semble, ou un Cap d'Ail, celui de Cap d'Ail, où j'avais fait, j'étais sorti des qualifications internationales en battant tête de série 2 des qualifs, il me semble. J'ai passé un tour dans le tableau final et c'était plutôt bien, je perds contre la vainqueur du tournoi. Ouais, donc c'est plutôt, c'est un bon souvenir. Regret, quoi, enfin, C'est honorable. C'est un bon souvenir, hein. Ben oui, déjà, à cet âge-là, c'est déjà plus fourni que celle de Tim au final. Oh, largement. Pas largement. Difficile, hein. Que de Dominique Tim. Il a gagné, hein. Malheureusement, ouais. Ça sera un outsider. D'ailleurs, on peut nous parler un peu plus Roland Garros sur les. Tu veux rester avec nous pour le débat ou comme tu veux, hein. Ouais, je. Ouais. Bah, je t'as une place à toi, c'est réservé. Tu peux intervenir quand tu le souhaites, en tout cas. Paul te l'a laissé avec grand plaisir. On va faire un focus sur Roland. Et le problème de Roland cette année, c'est qu'on se demande s'il n'y a pas zéro suspense avec le roi Rafa, quoi, qui va peut-être tout balayer sur son passage comme l'année dernière. Est-ce qu'il y aura encore moins de suspense? C'était ça. C'est ça. Parce que l'année dernière, on rappelle qu'il a quand même gagné le tournoi sans perdre un set. Sans perdre un set. Est-ce que ça peut arriver encore cette année? Parce qu'on voit que les outsiders tels Djokovic ou Wawrinka ou d'autres la jeune génération, Dominic Thiem, Zverev, ça reste jeune. Ce pas des joueurs qui ont prouvé grand-chose en Grand Chelem. À part Zverev qui a été qui a fait une bonne saison de terre, mais c'est un Grand Chelem. Oui, voilà, il n'a jamais fait mieux que 8e en Grand Chelem. Ouais, donc c'est un cap à passer, quoi. Disons que moi je souhaite bien sûr aucun mal à Rafa, et c'est un grand joueur sur terre, mais bon, déjà sachant qu'il va rencontrer Richard Gasquet, qui est sans doute notre meilleure chance française, j'aimerais bien en tout cas qu'il perde un set contre Richard au minimum. Honnêtement, si Richard arrive à prendre un set à Rafa, c'est déjà magnifique. Faut voir la différence actuelle entre les deux joueurs, ouais, puisque produit Rafa sur terre. Après, effectivement, on a vu certains joueurs être capables de le mettre en danger, de sortir Dominic Thiem de nouveau. C'était à Madrid. C'était à Madrid, effectivement. Donc ça reste faisable. change un petit peu les choses et qui va dans le sens de notre inquiétude, ou en tout cas de notre grand respect plutôt pour Rafa Nadal et ses performances, et de se dire qu'en 3-7 gagnant, en 5... C'est ça le problème. Voilà, en 3-7 gagnant, oui, c'est ce que... C'est parce que physiquement, il est quand même toujours au top. On a du mal, en tout cas, à voir cette saison encore qui est capable de le tomber, lui prendre des 7 sans doute, mais... Même un 7, c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est compliqué. Honnêtement, si on fait un peu le... Si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu les outsiders, moi j'en vois 5. Vous allez me dire si j'en oublie un. Pour moi, il y a Zverev, Thiem, Dimitrov, Nishikori, Djokovic qui sont les plus à même de gêner Nadal. Ouais, j'ai pas mis Goffin par exemple. Ouais non, je pensais à peu près les mêmes. Ouais, c'est ça, mais après. Djoko, il m'inquiète. Il m'inquiète quand même pas mal. Après, c'est. Bah, aujourd'hui, convaincant. Hein, j'ai regardé le match. Ouais. Contre bah après, voilà, Silva. Faut voir sur comment il va évoluer. Parce qu'on sait que physiquement il est encore un peu fragile. Ouais. On va voir à l'usure du tournoi s'il sera encore frais pour affronter un Nadal. Donc, mais après, oui, vu l'expérience qu'il a, on se dit qu'il peut toujours le déranger. Ça reste un grand champion, quoi. Après, Nishikori, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas trop. Nadal. Il y a que finalement Zverev, mais comme on dit, il en est freiné par le manque d'expérience en grand chelem. Thiem peut-être aussi, il a fait des grands chelems plusieurs fois, il a été plutôt bon à Roland ces dernières années. Ouais, mais après il fait quand même une moins bonne saison à cette année. Bon, ouais, il le sort à Madrid, d'accord, mais... D'ailleurs il perd en finale, donc il confirme pas tellement. Voilà, il est en plus en 2-7-5 contre Zverev, ouais, 4-4. C'est vrai qu'on a du mal à trouver les outsiders finalement, c'est là où c'est... Bah, on les a, mais... Vavrinka qui était le finaliste de l'an dernier est déjà expulsé. Ouais, mais donc, on les a, mais on n'en voit pas un vraiment... solide, ouais. Enfin, on n'y croit pas, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'y croit pas trop. Après, à voir si, justement, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir si certains joueurs vont être capables de passer des paliers en grand chelem sur Terre. On parle beaucoup, là, encore aujourd'hui, de Alexander Zverev et de Dominic Thiem, que moi, j'ai pas encore trouvé si convaincant, notamment en grand chelem. Pas du tout, même. Pas du tout. Enfin, Dominic Thiem a quand même fait une demi à Roland l'année dernière. Ouais. Pour Dominic Thiem, il y a quand même cette demi. Mais voir si justement. Il perd contre Djoko en demi. Justement, voir si. Non, la finale, c'est Wawrinka, Rafa. Il perd contre. Attends, il sort Djoko en quart alors. Ouais. Thiem, c'est ça. Ça doit être ça. Mais effectivement, de voir s'il va être capable, par exemple, de se hisser en finale. Après, je connais plus exactement le tableau, donc je sais pas qui joue Rafa en demi. J'étais sur Dominic Thiem. Ah, Dominic Thiem. Je sais pas dans quelle partie du tableau. Je crois demi contre Nadal, je crois. Demi contre Rafa. Et 3, c'est pas. J'ai peut-être une. Non, Thiem, il est 7, je crois. Ah. Ouais. Et Dimitrov 4. Ouais. Mais en tout cas, au-delà de ça, effectivement, voir après pour l'autre cas, c'est celui d'Alexander Zverev qui, lui, pour le moment, a été très bon à chaque fois en Master 1000. Hein. Il commence à avoir de belles références pour un jeune joueur. Il avait internet, à son âge, ouais. Mais qui n'a pas encore de vrai fait d'armes, je trouve, en grand chelem. Ouais. Ouais. Et donc, c'est le moment de voir jusqu'où il va être capable d'hausser son niveau de jeu. Et sachant que lui, il est avec le tableau, il pourra affronter Nadal qu'en finale. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ouais. Et après, ce que j'espère, c'est qu'on aura quand même quelques belles surprises, parce que pour Roland-Garros, très brièvement, on peut en parler, les chances françaises. Pour moi, c'est pas incroyable. C'est pour le moi, seul c'est, qui si, on a, si on a un huitième de finale cette année, c'est un maximum. Quoi. Ouais. Chez les hommes, parce que je pense que Caro Garcia peut faire un quart de finale. Elle a le niveau pour. En féminine, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Tiffany, de Caro Garcia est vraiment une très bonne joueuse. Peut-être la seule. Il y a Lucas Pouille aussi en garçon, peut-être, non ? Ouais, il faudrait avoir un vrai palier. Il va falloir franchir le palier. Alors, si on fait l'état de forme, quand même, c'est vrai qu'on est quand même, il y a de quoi être inquiet, quoi, parce que autant Monfils, c'est pas, alors que c'est la seule, normalement le seul qui arrive à monter plus haut. Lui, il a dit si je passe pas bien, déjà c'est bien. Tsonga pas terrible non plus, ouais. Tsonga forfait, Gasquet. Ça fait deux firsts avant sur Terre, donc. Ouais, c'est quand même inquiétant. Il a gagné avec. Ouais, tranquillement, mais bon. C'est vrai que si on fait l'état des lieux, ouais, c'est. Parce que Benoît Paire, il prend Nishikori au prochain tour, donc c'est dégage. C'est cuit à mon avis. Après, il y a ça qui est un petit peu dur pour nos Français. Je trouve que c'est un peu double peine. Et je voulais quand même le signaler, c'est qu'on est dans sans doute une des... Peut-être aussi. On connaît celle-là au poker, Alex. C'est qu'au-delà... au-delà du fait qu'on est dans une saison un petit peu difficile, notamment chez les garçons, pour les performances, la régularité des performances au plus haut niveau, le tableau ne nous a pas fait de cadeau non plus. Parce que quand on voit Nishikori, effectivement, qui va tomber assez vite face à un de nos Français, qui est capable d'aller, en tout cas de passer quelques tours normalement, et puis surtout quand on voit Richard Gasquet, qui a le talent sur Terre, et en tout cas qui a l'expérience pour être capable de se hausser en huitième ou quart de finale sur un grand tournoi à Roland-Garros, voilà, il tombe sur sans doute sur Rafa Nadal au troisième. Alors j'espère que ce sera un match palpitant et qu'il pourra nous offrir quelque chose de beau, mais c'est sûr que sur le papier ça sera très compliqué pour lui. Donc difficile de voir nos Français dans une année difficile se retrouver justement dans un tableau compliqué, quoi. Mais on espère avoir des bonnes surprises, mais on en a parlé déjà lors d'autres émissions. On est un petit peu inquiet du côté tableau masculin. Après, tu parlais d'un quart pour Caroline Garcia. Moi, honnêtement, j'espère même une demi-finale. Ouais, moi, c'est ce que j'avais marqué. J'avais marqué objectif demi vraiment pour qu'elle franchisse un palier. Et honnêtement, elle a le niveau de jeu pour pouvoir le faire. Oui. Après, ça sera l'aspect mental, où elle est d'ailleurs assez forte. Ouais. Et par rapport aux autres Françaises, voilà, il y a un gouffre avec Kiki, hein, ça c'est sûr. Elle se démarque. Déjà, si on a un Français en deuxième semaine, ça serait pas mal. Ouais, voilà, soyons modestes. On verra ça lundi prochain, on en saura beaucoup plus. J'espère qu'il y aura encore des Français. On espère, on croise les doigts. Moi, je crois en mon Gilo en tout cas. Bah, il faut, hein, il reste solide. Allez, Gilo. Il a fait un bon tournoi de Lyon. Gilo, si tu m'écoutes. On est avec toi. Je pense qu'il t'écoute. J'espère. Donc, sur ces belles paroles, on va annoncer comme on a un petit peu de deuxième temps. Deuxième pause musicale, deuxième pause cinerie. Avec, c'est pour les cinéphiles, celle-là. Ouais, dans la BO de Drive, très bon film avec Ryan Gosling. On a fait 4 parce que je voulais faire deviner Ryan Gosling, un peu le sosie de Tim aussi. Ah, c'était une question ? Désolé, mon Tim. Donc, c'est Chromatics, Time of the Clock. Clin d'œil de Drive, tu l'as mis entre parenthèses, c'est assez mignon. Allez, à tout à l'heure. Thank you. Et on se retrouve après cette petite douceur qui est bien passée. Donc on se retrouve. Il y a un peu d'intensité là pour la deuxième partie. Ouais, toujours, il en faut parce qu'il faut mettre un peu dans tes matchs, en fait. J'ai du mal parce que je. Ouais, c'est un diesel, tu sais, ça monte en puissance, ouais, mais il faut du temps. Ouais, mais le problème, c'est qu'un diesel, t'es plus en seconde partie, mais pas toi. Oh, bah pourtant, sur les 5ème set, regarde, j'ai arraché un invité dans les dernières minutes. C'est vrai, de la sur journée. Celle-là, ouais, au forceps. Hein. Donc encore une fois, je prouve que j'ai plus de mental. David Ferrer. Ah, ça me fait. Bon, ça me fait plaisir de vous voir repartir là. Le duo infernal. Inconsciemment, Flo est revenu en, on peut dire, en coulisses et de suite on est propice au chill. Donc, bon, petite enflammade. Restez cadré. On a hésité en interne, on vous dit tout, à faire une parole aux chillers. On s'est dit ça va revenir sur du Rabiot en coup de cœur. On aurait été redondant. Du MHB en coup de cœur. Ricardo aussi, Alex qui avait cité. Donc plutôt on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait vu qu'on aurait dû le faire lundi dernier que c'était férié. Donc du coup on va faire un petit bilan Ligue 1, on va dire les bons côtés, les mauvais côtés, les moments marquants qui. Coup de cœur, coup de gueule. Sur cette année, voilà, les points forts. On peut réagir aussi aux nominations qui nous ont un peu surpris, on va dire. On en avait parlé clairement. Je sais pas si on en a parlé. On en a pas parlé, on l'a pas fait. Malheureusement, c'était férié. Donc voilà. Qui veut démarrer sur un coup de cœur de la saison, peut-être. Je sais pas, Alex, je vois sourire parce que t'as vécu une belle émotion en tant que super Marseillais. Ouais. J'imagine que même si au final, comme l'a dit Jean-Michel, qui sourit là aussi. Non mais comme je souris, je suis content de te voir, c'est pas pareil. toujours ton sourire me fait plaisir. Et comme l'a dit Jean-Michel, bon, il y a pas eu de victoire de titre à la clé, mais il y a quand même une très belle saison en tant que supporter niveau émotion quand même. Ah t'étais oui, servi, on a clairement vibré, surtout après les dernières années qui étaient un peu compliquées, quoi. Moi, c'était une superbe saison. Après, bon, c'est surtout porté par le parcours en Europa League. Bien sûr, ça ajoute. Ouais. Mais même en championnat, je lisais ce matin qu'on a fait notre record historique de victoire en déplacement, par exemple. Enfin, on a été très solide, le meilleur quatrième de l'histoire de Ligue 1 aussi. Donc ouais, c'est ça qui est fort, c'est 77 points, c'est ça. C'est ça, au ouais, final. Qui est fort et frustrant à la fois, quoi. Oui, oui, mais ça prouve que la Ligue 1 était compétitive cette année, c'est ça. On a vu 4 très belles équipes au final qui se sont détachées. Ouais, surtout sur la deuxième partie de saison, je trouve. Mais au final, ouais, pour l'OM, quand tu vois le début de saison et même l'effectif à la base, c'est une super saison. C'est honnête, ouais. D'avoir fait ce doublon final et. Les deux jusqu'au bout, quasiment, ouais. T'es à un point d'être sur le podium. Après, je pense que ce match contre Lyon au Vélodrome qui est un peu le tournant négatif de la saison. Ouais. La clim, hein, même fils, il l'a mise. Non, c'est sûr, quoi. Peut-être pour ça aussi que Marseille se retrouve quatrième, c'est que sur les gros matchs comme ça, Monaco ou Lyon, ils ont un peu péché. Ouais. Pour ça que le mercato, il peut être très, très important, à recruter une pointure devant et une pointure derrière. Aussi peut-être, ouais, à côté de Ramis. C'est les priorités pas, visiblement de Garcia au mercato. Voilà, je pense que tu vas être d'accord, Germain, il peut pas être titulaire à l'OM. Ouais, passer un palier, ouais, peut-être. C'est un bon joueur d'appoint, mais il peut pas être titulaire à l'OM. Benassia derrière, Balotelli devant. Ah, ça serait superbe s'ils font si les deux. Tu prends Benassia derrière qui a déjà joué à l'OM en plus, non? Formé à l'OM, il a jamais joué. Jamais joué en pro. Ouais. Ah, ça serait une très belle passe. Balotelli. Ouais. Balotelli devant, ça serait plus décisif. Déjà, mais le but de, enfin la frappe de Germain qui loupe sur la finale déjà. Balotelli sur fond. Avec un Payet, un 10 derrière, tu sais que tu peux marquer à tout moment. Je pense que. Il y a encore du boulot, mais c'est vrai que des joueurs comme ça, ça peut permettre à Marseille de franchir le palier. Franchement, j'ai toujours apprécié Valère Germain, mais voilà, par exemple sur une finale comme celle-ci, c'est trop. Pas lui mettre ça trop sur le dos, mais voilà, on voit que à ce niveau-là, si Marseille veut passer encore un palier supplémentaire, il faut un joueur qui, lorsqu'il a cette occasion, il la met au fond. Ouais, et puis voilà, même sur la régularité dans la saison, le meilleur buteur de l'OM, enfin on peut saluer ce joueur. D'ailleurs, ça nous revient à parler des joueurs, Florian Thauvin, qui a marqué, qu'il va falloir essayer de conserver, qui a marqué énormément de buts. Mais c'est un milieu offensif qui a réussi à faire la différence pour l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas eu un dans vrai avant-centre final, capable de le faire. Donc heureusement, par exemple, que lui était là pour être décisif. Ça va peut-être te surprendre, mais moi, Thauvin. Si tu as un club qui pose 60 millions, il faut le vendre tout de suite pour moi. Ouais, parce que tu me disais que l'année prochaine il va être cramé. Ouais, 62 matchs Coupe du Monde en novembre, il bouille. Ouais, t'as pas tort, je pense que ça sera sa meilleure saison. Là, la Coupe du Monde, à mon avis, il va souffrir. Je pense qu'il aura pas beaucoup de temps de jeu, mais. Il va couper les citrons. ça va être compliqué pour lui. Bon, c'est déjà bien. Il coupera toujours plus de citrons qu'à Rabiot là-dedans. Ouais, enfin. Donc, après lui va couper des citrons pour le Mojito parce qu'il pourra regarder les matchs de Coupe du Monde tranquillement. Je le vois plus à la Grenadine qu'au. Ouais, ou au Versailles là. Champomy un peu, tu sais. Ouais, Versailles un peu. On est joyeux, mais pas trop. Ça partage une coupe avec belle maman. Je suis un peu pompette là. Mon Rabiot qui pourrait dire ça. Petit joueur à décerner sur la saison qui t'a tout club confondu entre guillemets régalé à Moi je mettrais Luis Gustavo sans hésiter. Ouais, pas surprise, je suis assez d'accord. Charismatique au possible. Ouais, puis bon, Alex il ressemble là. Peut-être. Et il a un côté Luis Gustavo. Peut-être pas la même solidité par contre. Non, c'est sûr. Ouais, peut-être un autre coup de cœur, coup de gueule. Romain, on parle pas de Madrid, hein. Je sais qu'ils ont gagné deux coupes, mais là on parle vraiment Ligue 1. Pas de Marseille, non, mais t'inquiète pas. Le Real Madrid joue pas la Ligue 1, il joue un championnat compétitif. Bien supérieur, ouais. Supérieur au football anglais, malgré les grincements de notre voilà, team. Voilà, relançant un débat, mais je suis en train de me remettre en question. Mais bien ça. Évidemment, je suis assez d'accord. En l'occurrence, c'est vrai que si on regarde le bilan des Coupes d'Europe sur les dernières années. Sur cette année. Donc on m'a demandé mon avis sur la Ligue 1. Ouais, non, déjà, tout simplement dire qu'on a eu une saison de Ligue 1 quand même assez intéressante. Et ce qui fait plaisir, c'est de retrouver les gros clubs en haut de l'affiche. Je pense que c'est important pour la compétitivité de l'être notre Ligue 1. Je voyais aussi, c'est pas parce qu'Alex est là et que c'est un collègue de bureau, mais je voyais pas la Marseille réaliser une aussi belle saison. C'est sûr que c'est dur au final pas pour l'attendez, ouais. Parce qu'ils vont pas chercher finalement le podium au vu de la fin de saison. Et puis tu sens ce titre qui passe pas si loin. Mais c'est une magnifique saison. C'est l'année prochaine où on verra s'ils sont capables vraiment de passer un palier, parce que maintenant on sait de quoi ils sont capables. Mais quand on voit le début de saison qu'ils ont réalisé, on l'aurait pas imaginé. Je pense notamment à ces deux matchs terribles contre Monaco et Rennes, si je me trompe pas. Après, comme autre satisfaction, moi je mettrais quand même des belles promesses de l'Olympique Lyonnais, surtout dans les très grands matchs où ils ont répondu présent et où j'attends de voir si justement en Ligue des Champions ils sont capables de le faire. Défaut, du coup, c'est qu'ils choisissent un peu leur match. Voilà. Ouais. Ils choisissent leur match et j'en ai souvent parlé, c'est l'irrégularité. Voilà. Et puis on a parlé de Florian Thauvin côté marseillais. Et bien peut-être parler de Nabil Fekir qui a eu après des petites difficultés, je crois, liées à une blessure, si je ne me trompe pas. La deuxième partie de saison. Et donc sur la deuxième partie de saison, il a été moins transparent. Par contre, je trouve que ça a été un des hommes forts même de la Ligue 1 de la première partie de saison. Et c'est d'ailleurs, bien pour ça qu'on le retrouve aussi en équipe de France. Il est dans l'équipe type d'un journal que je peux pas citer l'équipe pour pas le dire qui est au final beaucoup plus cohérente que celle de l'UNF et par exemple tu vois il y a Luis Gustavo au milieu D'ailleurs ils ont pas mis Rabiot petite réaction les manques qu'il y a eu dans cette fameuse équipe ou Verratti non plus des manques sur cette équipe là je sais que Tim t'as pas trop accepté cette ce 11 type proposé par un peu trop 100% parisien. Un petit lobbying Beansport Paris là. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Le seul qui mérite d'être là c'est on va dire les deux seuls, c'est Cavani et Neymar, mais Mbappé n'a rien à faire là. Et encore Neymar même derrière Thiago Silva et Marquinhos, je crois que c'est ce qu'ils ont. Ouais, faut arrêter là. Glick aurait pas été un refus qui a fait une bonne saison encore à Monaco. Pas le cas de Jimerson. C'est compliqué, on sait que ces équipes il y a toujours une petite prime aux champions, enfin Monaco l'année dernière c'était mérité, vous presque mérité parce que avait beaucoup de noms d'ailleurs dans le quiz, on y viendra ensuite. On avait vu qu'il n'y avait même pas Fabinho par exemple, pas Fabinho alors qu'il avait fait même Silva je crois. Bernardo Silva, celui il était il y avait Bernardo Silva. Ah non, c'était Segui qui était pas je crois. Ouais, exact. Ça nous avait surpris aussi, qui avait fait une super saison aussi avec Nice. Mais je crois qu'il y était pour le coup. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage. Là, je vous rejoins de voir ces équipes type qui reflètent pas la diversité des clubs français. Et après, effectivement, il y a pour autant peu d'importance, mais on a vu des joueurs dans d'autres équipes en tout cas briller et qu'on retrouve pas forcément là. Pense aussi au poste de latéraux, je crois pas qu'il y ait alors certes c'est que la seconde partie de saison, mais qu'il y ait Mathieu Debuchy qui a quand même été un homme fort du renouveau de Saint-Etienne, même Léo Dubois qui va pas chercher l'Europe mais pas loin. Il y a Léo Dubois côté Nantes, il y aurait pas eu de refus en tant que Montpellierain, Ruben Aguilar, Jérôme Roussillon qui ont permis à cette équipe de pas faire que des nuls. Aguilar, c'est costaud. Le Comte qui a fait une superbe saison, également. Donc oui, quelques manques après effectivement. En tout cas, on a eu une belle Ligue 1, j'ai trouvé. On en attend encore mieux des l'année prochaine. Aussi j'ai envie d'en parler et des promus, effectivement t'as raison, tu peux en parler, une qui ont très belle saison d'Amiens qu'on voyait presque tous comme qui proposait du football, était le plus petit budget à l'image de Dijon même, Dijon aussi. J'ai trouvé ça pas mal. En plus, en termes de jeu, ça a quand même proposé quelque chose. On a déjà vu des équipes qui venaient de Ligue 2, qui étaient le plus petit budget, qui bétonnaient très défensif. Genre Evian, Tonon Gaillard. Evian, ou même Nancy, je pense à Pablo, vu que je te regarde. Mais c'est vrai qu'Amiens a quand même su proposer du jeu. Elles ont fait des bons coups quand même. Il y a eu Gadpé, il y a eu comment il s'appelle Calcutta qui s'est bien relancé devant. Je sais pas s'il va rester lui. Je sais pas, mais en tout cas ils ont fait des bons coups, ils ont quand même bien défendu leur peau et puis au final voilà ils se sont maintenus presque tranquillement parce qu'ils sont maintenus à 2 ou 3 journées de la fin. Donc c'est quand même notable et c'est un des leur coach, coup de cœur, on va dire, de cette saison de Ligue 1. Celui qu'il faut qu'ils conservent, c'est leur coach surtout. Ouais, le coach est très bon. Ouais. C'est vrai qu'ils l'ont gardé depuis pas mal de temps et je pense qu'il sent la boule. Hein. Ouais, il a su insuffler une vague positive pour Amiens et qui a pas tremblé une fois arrivé en Ligue 1. Après d'autres peut-être, je sais pas, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, peut-être des déceptions parce que là, peut-être déceptions. Après aussi, quand même, faut en grosse surprise quand même, c'est Rennes qui a réussi à tenir jusqu'au bout sa cinquième place. Habituellement, ils craquent toujours sur le finish. Ils vont être éliminés en troisième face de poule de la Ligue Ouzbek. Mais... contre une équipe ouzbek là-bas. Ouais. Mais Kazakh. Mais à côté de ça, ça joue à pas grand-chose. On a vu que les places en Ligue Europa, d'ailleurs, c'était assez intéressant, étaient indécises jusqu'au bout. Ouais. Quand même, on peut les citer, le Stade Rennais, parce que même si cette équipe, des fois, justement, c'est le moment où on les attend et où ils répondent pas forcément présent. C'était presque la plus régulière de ce genre de ventre mou avec Bordeaux. Elle a été assez régulière. Puis quelque part, elle est montée en puissance petit à petit parce que elle était en embuscade derrière Nantes et Montpellier, même si de manière fort logique ces deux équipes se sont écroulées. Rennes, elle, a réussi à tenir son rang et même plutôt bien, sachant qu'il termine quand même cinquième. C'est lui qui termine derrière Bordeaux. Donc il termine c'est Bordeaux. Il termine juste derrière le Big Four de notre ligue. Donc c'est une belle perf. Et puis surtout, j'ai trouvé leur effectif assez intelligent. Il y a des joueurs de ballon. Tu regardes quand même Brigeau qui est pas mal. Je suis un peu inquiet pour l'année prochaine. Ismaël Assar. Adrien Hunou qui a été pas mal en fin de saison. Après, il risque d'en perdre. Il y a des joueurs. Casri qui va partir apparemment. Après Casri était pas trop là sur la fin de saison et ça voilà, il aura bien servi au tournant de la saison où il aura bien rendu des fiers services. Mais non, il y a un effectif intéressant et puis finalement après le départ de Gourcuff, on pouvait se demander aussi si cette équipe allait un petit peu pâtir de cette situation puis compliquée, c'était son président premier, etc. Ouais, c'est son premier poste. On va dire pro voilà et il a répondu présent, Sabri Lamouchi, il a su gérer ses joueurs et effectivement le Stade Rennais a réalisé une belle saison. Très honorable. Ils ont pas craqué pour une fois. Ouais. Tout comme d'ailleurs les Girondins de Bordeaux qu'on avait vu un. Oh non, la partie dure là. J'ai envie de dire si parce que. C'est compliqué pour moi. Après, c'est vrai qu'on les voyait plus bas. Voilà. À l'époque, moi, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais après, très déçu. Défaut, quoi. Parce que je crois, si je me. Attends, si je m'abuse, Bordeaux, qu'ils ont fait. 6e européen, du coup. Ouais, c'est vrai, parce que Saint-Etienne et Nice ont fait des saisons très moyennes, quoi. Oui, ils sont là. La grimace pour les clubs français l'année prochaine. Ah là, à mon avis, on n'en gagnera pas. Il n'y a que Marseille qui. Ouais, Marseille en Europa. Lyon qui sera renversé en Europa League aussi. Ah si, mais est-ce que t'es d'accord c'est premier objectif. Je te dirais pas oui, parce qu'il va être chapeau c'est 3 en Ligue des Champions. Héros, il y aura un groupe relevé, voir, mais 20% de chance de finir deuxième du groupe, quoi. Je voulais juste dire pour Bordeaux, j'ai pas été convaincu, hein, les gars. Je vous la fais pas non plus, mais c'est vrai que cette équipe avait, si je me trompe pas, bien démarré la saison. Et puis a eu un gros moment de flottement mais alors plus que flottement, à un moment c'était comme un peu terrible. Je me suis demandé d'ailleurs si ça allait pas craquer aussi au niveau du leadership et de l'entraîneur. Et puis finalement, notamment à l'image d'un joueur qu'ils n'auront pas l'année prochaine, donc ça risque de leur faire un petit peu bizarre, Malcolm. Sûr, okay, alors, c'est pas sûr, mais visiblement c'était quand même très très probable de ce que j'avais compris que il est très fort qu'il partirait. Il est rythmé que Bordeaux. Sur la fin de saison, ils ont été capables. Il y a Lyon en poulet. Hein. Dans cette dernière ligne droite à laquelle on est habitué. Il y a des pastèques à Lyon, il sera. Des 3-4-5 derniers matchs, d'aller chercher les points nécessaires pour prendre la place européenne. Et moi, voilà, j'avais vu Rennes, pourquoi pas, mais chantais bien Saint-Etienne sur le finish, puis surtout Nice, quand même, parce que ça Nice, se joue c'est sur notre effectif. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il y a le pénalty de raté de Cabella contre Bordeaux, et puis le pénalty de Fabinho dans les dernières minutes qui a coûté. Mais bon. Et Bordeaux se retrouve là. Puis c'est après, pas mal. C'est le football. Moi, si j'avais un dernier mot sur cette Ligue 1, une équipe qui m'a quand même ravi, même s'ils ont dû aller chercher le maintien quasiment jusqu'à la fin, c'est Strasbourg. Oui, parce que je suis vraiment avec content personnellement clé, de ce que j'allais dire, de retrouver cette équipe en Ligue 1 et puis son public. Et il y a des grands publics en France, il y a un grand public à Marseille, il y a à Saint-Etienne notamment. Mais j'ai trouvé personnellement que le public le plus remarquable. Pourquoi tu dis pas la boisson ? Bizarrement, je les cite pas, pourtant c'est mon club et je les aime. Mais le club le plus remarquable en termes d'ambiance cette année, pour moi, était le Racing Club de Strasbourg. Pas loin d'être d'accord. Ouais, bon qui aussi, a fait le plein quasiment à chaque fois. D'ailleurs, je sais que l'Ameno, paraît-il, était à un stade plein même lorsqu'ils ont fait plus de 20 000 personnes nationales. Ils ont eu des très belles moyennes. C'est un vrai club, club de passionnés. En tout cas, c'est un club de passionnés, c'est clair. Et il y a eu une sacrée ambiance. Ils ont été capables de tomber des gros, de battre Lyon, effectivement, pour chercher leur maintien. Paris aussi à domicile. Donc ils ont eu quelques faits d'armes et c'est aussi à ça qu'ils doivent leur maintien. Et je les ai pas trouvés non plus si frileux dans le jeu pour une équipe qui joue le maintien, alors que beaucoup le sont. Donc voilà, c'était pour saluer ça. Ça dépendait des coups de cœur pour cette saison. Avec à l'image de Dimitri Liénard d'ailleurs, qui était un des seuls joueurs à avoir justement été descendu en national. Et une saison prolifique en buts avec plus de 1000 buts inscrits sur toute cette saison. De grosses affluences malgré beaucoup de traditions de déplacement aussi. J'en profite pour dire une petite stat, la meilleure attaque à l'extérieur d'Europe qui est celle de Lyon. Allez, voilà, et voilà, vous voulez juste glisser, flatter son petit club comme ça. Et pour te rejoindre quand même, je le dis, vous en faites ce que vous voulez. Des bons choix offensifs parce que je crois que c'est une des seules équipes d'Europe aussi qui a 4 joueurs au-dessus de 10 buts. Tout à fait. C'est bon. Tout à fait, des 5 grands championnats européens. Allez, on enchaîne. Attends, dernière info aussi, j'ai pas envie de terminer sur une info lyonnaise. Juste le retrouvail du derby Montpellier-Nîmes en Ligue 1 l'an prochain. C'est la banderole de la paillade qui a été volée. C'est pas permis de la divulguer, mais. D'ailleurs, ici, on connaît les coupables. Un derby plus qu'animé. Alors, on enchaîne, mon team. On va retrouver bientôt. On va enchaîner sur le quiz, mon Romain. Effectivement, je suis de quiz aujourd'hui. Je me permets juste de marquer vos petits noms pour marquer les points traditionnellement. Et puis, je demande à mes voisins de ne pas tricher. On fait un solo ou Mais je vois que, d'ailleurs, Flo a changé de place une semaine. Lorsque j'avais le quiz devant les yeux. Donc je dis bravo quand même, c'est un animateur qui ne veut pas tricher et qui veut pas qu'on ait des choses à lui reprocher. Des petites équipes les gars, ou on joue ça en individuel? Je vous préciserai d'ailleurs comme d'habitude s'il y a tour de table ou si... Moi j'ai une équipe on veut faire. Ou si c'est des questions de rapidité, très classiquement. C'est vrai que je suis bête. Ouais. Bien sûr, c'est plus compliqué. Ouais. Si vous voulez, on peut faire de l'individuel et un petit duo. Parce que Florian et Michel. Tout faussé. J'ai peur qu'on lui ait glissé des réponses. Voilà. Mais je pense que Flo va être content de participer de quiz. Au quiz, c'est pas toujours fréquent. Je suis venu pour ça. Donc, je donne les équipes, si je puis dire équipe, Flo et Michel, et puis on aura. Team Guy et Alex qui jouent en simple, j'ai envie de dire. On n'a pas de un petit contre la montre. Là, on est bon au tennis. T'façon. Alors, première question, soyez bien attentifs, les gars. Toujours. La première, ce sera, disons, on va dire une question tour de table. Voilà, on démarre tranquillement. Le Montpellier Handball, comme vous le savez, a été sacré champion d'Europe pour la seconde fois de son histoire après 2003. Mais au fait, combien de titres Montpellier détient-il sur la scène nationale européenne? Donc je suis en train de dire combien de titres à Montpellier finalement à son palmarès, Ligue des Champions plus D1, championnat de France, et les plus Coupe de France plus Coupe de la Ligue. Oh là. Ah oui, ouais, t'as les coupes. 42. Et donc on va démarrer avec duo Michel Flo, 42. Ça me paraît énorme quoi. À Tim possible, hein. De nous donner la suite. À moi. Terminera avec Alex. Putain, j'en ai aucune idée quoi. Attends, qui sent la boule lui en handball normalement. Oui. Ça va être un tremplin pour moi, je veux dire 37. 37 le plus proche l'emporte. Oui, on est d'accord. Le trophée des champions était compté avec ou pas? Le trophée des champions n'est pas compté. C'est bon, il a l'air sûr, hein, Michel. Je crois que je vais le suivre. Qu'est-ce que. Guy, d'habitude, il sort quelque chose en round ou. Ouais, ils sont la boule, ouais. Moi, je vais dire 42. Non, t'as pas le droit. Pourquoi? Moi, je dis juste que quelqu'un est parti voir les joueurs à l'aéroport tout à l'heure et il était avec moi. Ah, c'est un signe. Je vais dire. Mais genre, il a demandé aux joueurs, en fait, vous avez combien de titres, les gars? 42. Ah, ouais, merci. Ça veut dire qu'il est passionné, quoi. Allez, je vais dire 41. Allez, 41 pour Guy. Pour me démarquer. Un petit 43 d'escroc, du coup. J'hésite, hein, 43. On est d'accord, lorsque. Je précise la règle pour la suite d'ailleurs. Quand il y a une ex-aequo, c'est celui qui est en dessous qui remporte le point. C'est-à-dire que. Je suis en train de dire par là qu'il n'y a pas de réponse juste et que deux d'entre vous ont répondu à deux titre près et que le titre revient à Tim pour ce premier point, sachant que le MHB a remporté 39 titres. Je précise donc 14 titres de champion de France, bien 13 sûr, j'ai coupes bluffé, de France, c'est la réponse, 7 coupes bien. De la Ligue et 2 Ligue des Champions. Que 39 15 titres de champion de France. Pas terrible. 15 titres de champion de France, je l'espère. En tout cas, dans le cœur, il y aura le c'est titre. C'est moins sûr ça. Et parce y a que c'est l'équipe des la plus champions, méritant. Mais qui ne sont pas comptés. Voilà. Et donc là, on serait arrivé effectivement à 41, ce qui était la stat de Guy. Donc, premier poids pour Tim. Hein, ça me fait plaisir. On dirait pas comme ça, mais ça démarre fort. Non, mais je sens la boule. Alors, deuxième question, et ce sera rugby. Soyez attentifs, les gars. Le Castres Olympique, finaliste du championnat de France de rugby, face à nos Montpellierains, a réalisé de belles performances dans ses phases finales, successivement face à Toulouse à l'extérieur et face au Racing, second de la phase régulière et finaliste de la saison de Champions Cup. Ils ont d'ailleurs, avec le Loup, comme on l'a dit, pour la première fois, été deux équipes à gagner à l'extérieur en barrage. Mais combien de fois le Castres Olympique est allé en finale du championnat dans son histoire ? 4. Je n'ai pas dit combien de fois ils ont gagné, combien de Oula, fois il est ferme. Ils sont allés en finale. Il est direct. 4. C'était la rapidité là, c'est ça ? C'était rapidité, ce n'est pas ça. Ouais. Dommage. Ça. Allez, je donne un élément quand même, bravo à mon voisin, c'est le nombre de titres. Mais je demande c'est combien de finales. C'est le nombre de titres de Castres. 4. Non, là, de du finale. Coup, tu leur donnes des... C'est le nombre de, c'est le nombre de titres. Ok, ok. Mais vous êtes plus que. 6 mais pour moi. Tu peux toujours rejouer, hein, c'est rapidité. 6. Non, c'est éliminatoire. Ça, c'est comme le. Ah, c'est la rapidité. Comme 6, le double engagement, c'est des bénéfices. Mais oui, j'ai super rapidité de là en plus. Et donc, Tim remporte le point en plus. Quoi, attends, mais... Parce qu'il a donné la réponse exacte. C'est quoi ? Il vient de dire 6. Et le Castres Olympique, effectivement. Je fais l'appel à Alex, il me voit, il la donne, c'est normal. En finale du championnat de France. Il en a perdu 2. Exact. Il en a rapporté 4, donc j'espère que la stat va bouger dans le bon sens, mais pour le moment, à noter que contrairement à nos amis clermontois, Castres est assez efficace lorsqu'il joue la finale. C'est bon. Désolé pour Clermont que comme j'aime moi. Bien. À côté de ça, et donc la dernière remonte à 2014, et c'était une défaite contre le RC Toulon, une des deux défaites, 18 à 10. Pili. Prochaine question, parlons un peu tennis. Tennis. Donc on a 2 points pour Tim finalement d'ailleurs. Ça va, j'ai mais marqué le doublé de mon team. En 2004 a eu lieu le match le plus long de l'histoire de Roland Garros. Celui-ci opposait quel joueur ? Arnaud Clément, Fabio Santoro. Ouais. Ah, non, c'est si ça. 3 points pour Tim. Le Isler en trombe. C'est Wimbledon. C'est Wimbledon. Ah, je suis comme Rafa quoi, seul sur terre. J'ai pas écouté. Et à Roland et c'était 6h33 de match, pas mal sur terre battue. Faut se le tenter. Il a pris une passe. On sent qu'il est de l'Olympique Lyonnais. Le melon est déjà présent. C'est le côté Memphis. J'adore, je l'embrasse. Bon, les gars, en tout cas, j'attends votre réveil charisme. Parce qu'on est à 3 points pour Tim et 0 pour, c'est pour tous ses voisins. Hein. Ouais, ça démarre fort. Je compte sur mon voisin de droite pour remonter. Je pense qu'il a compris quel sport qui arrive maintenant. LeBron James a remporté à nouveau hier soir une finale de conférence Est à la suite d'un match 7 épique contre les Boston Celtics. Rapidité. LeBron James, redoutable en playoff, rejoint à nouveau la finale NBA. Mais ce sera la numéro combien ? 7. 8. 7. 9. La combien de finale ? De conférence. Vous n'avez pas la bonne 8, réponse. 8, je crois que c'est 8. C'est 8 ? Non. Ah, la combien de finale de conférence ? Ah, de conf ! 11. Ah, de conférence. 12. Non, la finale de NBA, pardon. Ça aurait peut-être 10, hein. Eh ben c'est 10. C'est ça. Bravo, mon Guy. Il y en a déjà eu 9. Ils ont été champions, d'ailleurs, de la conférence Est de NBA 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 avec Cleveland. Ça. Et avec Miami 2011, 2012, 2013 et 2014. Il y a un bon ratio à la Clermont, lui aussi, non ? Ah oui. Lui, ouais, c'est pas mal, ouais. Ultra même efficace. Avec Miami, c'est solide. Effectivement. Plutôt belle. Il y a rien à dire de ce côté-là. Prochaine question et on arrive sur du cyclisme. Ça peut se compliquer, mais certains peuvent peut-être l'avoir, surtout que ce sera rapidité. Il peut avoir une petite chance. Tu t'es pas tourné vers moi là pour le cyclisme. Hein. Ouais, mais au bluff, t'es capable de tout. Hein, moi, je pense. Ouais, je trouve que je suis un bon bluffeur. Surtout. Il le sait avec son poker. Hein. Nous allons bien sûr parler de Giro d'Italia. Italia. Oh, je suis chaud, là. Nous sommes sur une stat. De recordman de victoire sur le Giro d'Italia. Je vais donner son nom, je vais pas le trouver, c'est Alessandro Petacchi. Pourquoi je dis Alessandro Petacchi ? Pas le recordman de nombre de victoires, mais de nombre de victoires sur une même édition. C'est-à-dire que six. Je vais vous demander combien d'étapes il a gagné. Ah, d'étapes ? 6. Lors d'une même édition. Ce n'est pas 6. 5. Non, c'est 7. Non, 9. Ce n'est pas 7. Et c'est 9. 9 sur le même 9 Giro sur 21 étapes. 9 bien sur sûr. 21 oui, étapes 9, pour Alessandro Petacchi. Et donc c'était en. J'ai 2004. Exact, ouais, ça c'est 2004. Je l'avais. C'est bon, l'année de Monaco Porto, j'aimerais team, bien. À côté de ça. Prochaine question, et ce sera une petite biographie. Soyez attentifs. Je suis né à Apt le 28 janvier 1982. J'ai démarré ma carrière de joueur dans les clubs du pays d'Apt, puis d'Avignon. J'ai rejoint ensuite un des clubs les plus titrés du sport français en 1999, où je démarre ma carrière professionnelle. J'évolue ensuite en équipe de France à partir de 2002. Ouais. Mickaël Bigou. Alex. Voilà. Bravo, Alex. Joli. En équipe de France à partir de 2002, où je ne remporte pas moins de 9 titres majeurs, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, Championnat d'Europe. Tout au long de ma carrière, je fais le choix de rester fidèle au club qui a su me faire confiance dès mes débuts sous les ordres de Patrice Canaillé. Je joue au poste d'ailier gauche, mais aussi parfois demi-centre. J'ai été élu à 10 reprises meilleur ailier gauche du championnat. C'est quand même pas rien. Ouais, c'est bon, j'ai dépassé cette saison les 1000 buts en championnat de France il y a quelques jours, et j'ai réalisé ce week-end l'exploit de remporter avec mon club la seconde finale de Ligue des Champions de son histoire 15 ans après, 2003-2018. Mon surnom est Mika, je porte le numéro 14 au MHB, je suis Mickaël Guigou. 1000 buts, hein, c'est ouf. Bon, 4 points pour Tim, 1 pour Guy et 1 pour Alex. Il est pour arrivé les... avec la coupe, c'était magnifique. Ah. Les stats le actuels. Prochaine question, et là ce sera tour de table. Fulgence Ouedraogo est un joueur emblématique du MHR. Déjà présent lors de l'épopée la saison 2011, il rêve aujourd'hui de son premier titre avec son club de cœur sur la scène nationale. Il est le joueur ayant joué le plus de matchs sous les couleurs bleues et blanches depuis l'accession en première division en 2003. Combien de matchs à son actif dans sa carrière à Montpellier, autant au niveau national que européen? Ah ok. Combien de matchs? Et on démarre par... Allez, on démarre par Alex, qui vient remporter un point. Tu as dit 2003, du coup? Non, c'est celui qui a joué le plus de matchs depuis 2003, qu'on est revenu en première division. Je crois qu'il a démarré en 2006, okay. Si je ne me trompe pas, mais j'ai pas revérifié. Je m'en excuse. Je vais dire... Donc, soit en 12 ans. 212. 212 pour Alex. Pas mal, ça. Michel et Flo, sans transition. 280. 280. Tim, j'arrive. Non, une minute, on connaît quand il dit j'arrive. Il me semble que c'est 312. Hein. 312. J'avais vu la stat là. Et Guy, nombre de matchs top 14 au niveau européen en 12 ans. C'est juste pour pas que Guy prenne le point. À savoir qu'il y a à peu près 26-30 matchs par saison, 30 plutôt. Et je l'avais en plus. Hein. Ah, tu l'avais. Je l'avais, mais j'ai oublié. Ah, je me disais bien que tu l'avais. Je vais dire. Bah, c'est un chiffre sur le pouce. Là. Bon, les 290, je sais pas pourquoi. 290. C'est l'inspi du moment, quoi. Et bon, pas si surpris que ça. Les plus proches cette fois-ci sont Michel et Flo qui marquent leur premier point du soir. Ah, et bah, ils vous. Étaient très très proches, sachant que Fulgence Ouedraogo a joué 278 matchs avec balèze. Montpellier. Ouais, solide, les gars. On l'a su. Hein. Dans ces 12 ouais. dernières années, si je me trompe pas. J'ai vu tous ces matchs. GG. Nous en arrivons. Pas ton père, bien. Aux dernières questions. Elle est dure, celle-là, GG. Ouais. Même, okay. J'ai envie de dire. À la dernière question à élimination, vous savez, je la retrouve parce que je l'ai pas noté. Enfin, l'avant-dernière question, il y aura encore moyen de se refaire. Allez, y a moyen. Nous sommes sur le match du soir, France-Irlande. Vu son mental. France-Irlande qui a lieu ce soir. On sait qu'on a eu ce match lors de l'Euro 2016. Et je vais vous demander les joueurs qui ont joué ce match lors de l'Euro 2016. Ça peut être assez proche de ce qu'on a actuellement. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop d'erreurs. Et on démarre par Alex, premier joueur. Il te faut le 11. Ouais, il me faut le 11 et 11 les 3. Ah non, mais on en a fait un chacun. Ouais, oui. Pas là. Ben, Lloris. Lloris, on est bon. Griezmann. Ben, Griezmann, bien sûr, on est bon. Giroud, on est bon. Pogba, on est bon. Varane. Eh ben Varane, on n'est pas bon. Et oui, moi je sais pas. Au revoir pour Alex. Ouais, je sais. I know it. Supprimé. Tu vas voir. Pini. Michel et Flo. Allez, à cause de moi, on va terminer. Amenez votre flambeau. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, on est bon. À noter qu'il y a 3 points sur cette question. Adil Rami, on est bon. Il y avait mon Lolo Kochelny. Il y avait ton Lolo Kochelny. C'était pas. Ça la défense. Hommage à Toto. Il vous en reste plus beaucoup. Il vous reste. Il n'y a plus le banc après. Hein. Ouais. Samuel Umtiti, pardon. Oui. Non. Matuidi, pardon. Matuidi, oui. Ouais. Attention avec Umtiti. Non, je vais tomber la garde parce que je venais de dire Matuidi. Kochelny et. Il y avait déjà la défense centrale. Donc Matuidi, nous sommes bons. Il en reste, il en reste 3 titulaires. À noter que vous n'avez pas parlé de latéraux. Ouais, merci. Matuidi. Matuidi. C'est éliminatoire, ça. C'est pas suivi, c'est au fond de la classe, ça. C'est moi qui. Ça va être provisoire, quoi. Sidi B. Djibril Sidi B. Et au revoir, Tim. See you soon. Bonne soirée. Merci, parce que je l'avais. Je pensais le dire. J'ai fait dire Sania. Je pensais le dire. Il ne reste plus que Guy, Flo et Michel. Putain. Il reste 3 titulaires. Ouais, vas-y, cadeau. Non. C'est ça. Certain. J'ai fait comme tu la sens, hein, pour une fois, j'ai fait confiance à un Marseillais. Il te reste plus beaucoup de temps. On va voir si je le referai. Donc tu dis qui, Bakary Sagna? Bakary Sagna. Et on est bon. Ah. Il vous reste un latéral. Sagna à droite. Du coup, on va tenter. Hein. Allez, tente. Patrice Evra, on est bon. Putain, la défense, il reste un titulaire à noter. Il y a un milieu offensif qui n'a pas été donné. Et puis ensuite, il reste les 3 remplaçants. On dit Payet. Payet, c'est à toi. Paillettes, on est bon. Il reste les 3. Ce corporatisme là, ça c'est. Non, mais ils aiment le peuple. Les trois remplaçants. Qui sont rentrés en jeu. Alex, n'hésite pas à me régaler. Qu'est-ce que je vous dis, il en reste 3, oui. C'est bien ça, pardon. Attends, même le gardien remplaçant, il y a du coup. Non, je vous donne les remplaçants étant entrés en jeu. On est d'accord. Si je vous dis qu'il en reste 3. Tentez ce que vous voulez, les gars. Hein, Allez, Kingsley Coman, on est bon. Il en reste plus que 2. Bien joué. Et c'est quel poste tu m'as dit, grand? Il reste 1 million d'attaquants. L'attaquant. Et peut-être qu'on va faire un premier carton plein. Hein. Heureusement, c'était il y a 2 ans, c'est possible. Fais ma confiance. Guy, c'est parti. Je sais pas, j'ai entendu des voix là. T'as entendu des voix? Ça fait 2 fois que t'entends des voix quand même. T'es un petit peu aidé. T'es l'animateur du soir, on dira rien. Monet Paquet. Celle-là, je la sentais pas venir. Gignac. Oh non. André-Pierre Gignac, on est bon. Et il reste un joueur, mais du coup, vous pouvez peut-être partager les points. En milieu? Dans ce cas-là, on sera. Putain, si c'est celle-là. Celui qui le trouve. Sissoko. Ah, j'allais la sortir. Moussa Sissoko, on est bon. Sans bible, j'allais la sortir. Ça, voilà. Moussa Sissoko. Mais si je regarde bien, Guy n'a pas sa chance dans ces cas-là. Ouais. Donc, je fais un petit peu ce que je veux, si vous voulez. Donc, ça fait. Partage. Les 3 points, ça se partage pas. Donc, on était sur 4 points, donc ça fait 2 points chacun. Merci, les gars. Et donc, on est de gauche, Guy tous les deux, monte on peut à 3 partager, points. Tim est à 4. Alex est à 1. Et vous êtes donc, les gars, à 3. A noter, bien sûr, qu'il y a 3 points demande, sur la dernière question. Oula. Et que du Oula. Coup, Alex peut revenir à la place d'ex-aequo en première place. Okay. Et que sinon, bien sûr, celui Guy gagne, et le duo peuvent revenir et battre lui. Même Thierry. Et je vais vous sécurité. Demander quels sont. C'est la toute faire. Dernière question, il n'y aura pas d'autres. Rapidité, quels sont les 3 entraîneurs à avoir gagné le plus de fois la Ligue des Champions? Ancelotti, Zidane. Et il en manque un. Lippi. Et ça va jouer là-dessus. Non, c'était l'entraîneur de l'Ajax, je crois. Ancelotti, Zidane. Là, vous êtes tous à peu près bons, mais Alex part bien. Donc si Alex trouve le 3e... C'est rapidité. C'est Arrigo rapidité. Sacchi. Mourinho? Non. Non. Bien sûr, c'est 3 titres. Ah, c'est... Sacchi, ça aurait pu être... Alors, allez, une petite indication, parce que sinon, on va finir très tard. Il a joué au Barça? Guardiola? Il n'a pas joué au Barça. Non. Et ça a un lien avec le club que mon équipe du Real Madrid a joué ce dernier week-end. Et ce n'est pas le coach du Real Madrid. C'est le coach des années 60. Des années 70, ouais. Et bien sûr. Ouais. Je l'ai pas. Non plus. Si vous ne l'avez pas, Tim va gagner ce quiz derrière les fagots. Hein. Mais ce serait pas mérité vu son. Je vais jouer nul sur ce quiz. Comme d'hab, la Gandhi est pendant la finale. Aïe, aïe, ça va finir sur un échec, c'est pas bon. Du coup, c'est un coach de Liverpool, effectivement, qui a remporté 3 titres. Ah, Moïse. Owness ou un truc comme ça, il s'appelle. Des connaisseurs de la première ligue. Juncker, non. Je l'ai, mais je vais même pas le dire. Allez. Est-ce que je vous donne carrément les initiales? Mais derrière, c'est pas sûr que vous le trouviez pour autant. Non, pas ça. Ah, si, donne les initiales. Non, pas ça, moi. Juste un point, c'est bon. Allez, le nom démarre par un P. Peter Crouch. Il n'y en aura pas d'autres. Ah non, là c'est terminé, je peux pas. Paul Gascoigne. C'est le nom que tu veux à P. Les gars, si vous me la donnez pas d'ici 10 secondes, c'est gagné pour Team. Pour moi, les 10 secondes sont écoulées là, tu vois. Je l'ai entendu il y a 2 jours. Ah, il reste 5 secondes, les gars. Allez, traditionnel, 3 secondes. Terminé, monsieur. Non, je pense que ça viendra pas. Buzzer pour le team. Eh ben, je le donne, et puis au moins, ça fait un petit hommage à Liverpool et sa Ligue des Champions cette année. C'est Bob Paisley qui a remporté 3 titres de la Ligue des Champions. Et donc, par contre, effectivement, là. Zinedine Zidane est le premier à remporter trois titres consécutifs. C'est bon, on l'a déjà entendu, c'est bon. Je sais et il y avait bien sûr deux entraîneurs que vous avez cités, je crois, qui sont allés en finale de manière consécutive, mais qui n'en avaient gagné qu'une, c'est Lippi. Et il y a un autre entraîneur italien qui me manque. Sacchi. Ce n'est pas lui, je ne l'ai pas, et donc on va pas arrêter sur ce petit malheur. Mais donc il y a deux entraîneurs italiens, mais des années 90, Lippi c'est sûr. Et il m'en manque un, je crois pas que ce soit Sacchi qui ont joué ces finales. Mais en tout cas, beau quiz. Et il y a l'équipe de France qui arrive là. Victoire de team. Ouais, il y a l'équipe de France qui va arriver, que je félicite pour bravo sa performance. Merci, ouais, ça me fait plaisir. C'est honnête. Avec tu le mérites. Merci, bravo à toi. Bravo à toi. Juste, on enchaîne très brièvement sur l'agenda. Moi, en NBA, j'ai les finales qui démarrent jeudi entre Cleveland et les Warriors ou Houston. T'as quelques matchs en tennis marquants ou... À part le Pliskova-Serena Williams, honnêtement, non. Il faudra voir en fonction des prochains tours. En foot, bon, les matchs amicaux de l'équipe de France, donc déjà ce soir avec le France-Irlande. Handball, c'est terminé. À savoir que c'est demain à 18h30 à l'hôtel de ville que Montpellier fête le titre. Okay. À l'hôtel de ville, attention, pas que le comédien. Bon, allez, il va falloir qu'on termine à 18h30. La transition est toute trouvée. Le week-end prochain, on s'y a noté en agenda. On peut mettre la finale top 14 entre Montpellier et Cas. Ça sera le prono de la semaine. Ouais. Donc, petit tour de table. On démarre par Romain, qui est plus à même de répondre. On va dire l'écart. Plus non, 5, non, plus... bah non, c'est un score, vraiment. Bah, le score, c'est quand même très compliqué. Oui, c'est vrai, mais il y aura un écart maintenant. Comme sur une bête. Tu le parierais, celui-là ? Alors, on donne le plus, mais le plus, on peut le donner avec un score. Ouais, mais le, c'est comme mais ça, le plus, c'est après... Moi, j'aime bien quand tu prends les risques. Voilà, la balle devant. Ah putain, si je me trompe, je vais m'en vouloir toute ma vie. Bon, ça va, on a connu pire. Allez, moi, je vais dire... On a porté chance à Montpellier cette année. Combien de temps ? Au hasard, j'ai même pas encore pensé. 25 à 12 pour Montpellier. Montpellier champion de France. Ah bah... 21-12 Montpellier. Pas mal ça, 21-12. Allez, 20-12 Montpellier. C'est très précis. Moi je joue un match très moyen, donc 12-9. J'aurais. Serré, ouais. Que des pénalités. Possible. 17-10 pour Montpellier. Tant que vous me donnez des victoires Montpellier, je suis heureux. Je pense que ça sera la bonne. Je vais dire. Bon, allez, ouais, 21-11, allez. Ah ouais, on a des scores extrêmement proches. Ça serait un bon scénario. On souhaite tous finalement la victoire de Montpellier. Donc c'est déjà. Ouais, personne n'aime pas. C'est déjà. Ouais, aussi. C'est, et c'est puis un, nous sommes, un peu même aussi, nous sommes à Montpellier et Montpellier 1. Alors on espère. Bah, pour une fois qu'on peut chauffer un peu et qu'il le mérite. Rico, là. Assumons notre statut. Nous avons été le premier de la phase régulière. Une fois, oui. Il faut y croire. Et je serai bien sûr sans doute derrière nos joueurs au Stade de France. Merci. Peut-être bien accompagné, je l'espère. Ben, on le souhaite, en tout cas on sera tous devant quasiment je pense, en souhaitant un premier bouclier de Brennus à Montpellier. En tout cas merci à, bah, déjà à Romain pour ce quiz qui était plutôt bien travaillé. Très bien ficelé. Merci à... Merci vraiment, à... Des quiz comme ça, moi j'adore. Hein, ouais non, c'était bien travaillé, pas trop de vélo en plus, pas trop de cyclisme. Et non, ça m'a surpris. La question je l'ai eu finalement. Équilibré. Pas un problème pour moi le vélo. À l'image de cette équipe madrilène, équilibré, complet, donc voilà, bravo. Bravo à toi. Bon, merci à tous aussi les gars d'avoir été autour de cette table. Merci à... au nouveau Arnaud, j'ai même pas son prénom, je suis désolé. Yanis, voilà, donc merci à merci toi, la relève est assurée, Arnaud peut se reposer sur ses deux oreilles. Merci à toute l'équipe, à Florian qui était là et qui nous a... Est-ce que je peux dire quelque chose juste ? Bien sûr, vas-y. La semaine prochaine, c'est kiné sportif sur Sport Intéressant, Chill, surtout donc, que moi j'en fais beaucoup du kiné, donc ça m'intéresse donc, également. Donc juste pour le programme de la semaine prochaine. Vous retrouverez le boss aux commandes du poste animateur. On aura cas, Mohamed Salah en studio d'ailleurs, avec son kiné. Ah, ça vous intéressera de savoir s'il sera là. Et on vous remercie à l'animation de ce soir. Bah merci à vous, c'est avec plaisir, franchement. Partager cette animation avec un joueur aussi légendaire, que ce soit ping-pong regarde, ou tennis. La preuve, il ne repart plus là. Mais l'amitié, oui, on va essayer de faire des preuves. Je remercie surtout aussi la SWTT qui nous a fourni encore une joueuse. On n'a pas eu PH, il sera là la prochaine fois peut-être. Mais en tout cas, voilà, merci à la SWTT et PH surtout qui nous a fourni encore une joueuse de son clan. Donc merci à vous, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve cette fois la semaine prochaine parce qu'il n'y a plus de férié, c'est fini. Exact. Donc là, sans non, faute, on bosse, hein. Sans faute, lundi prochain, on s'y remet, on met le blood chauffe et on sera là dès lundi prochain. Oh, bon, merci à tous. Salut. Avec une victoire en Polyren. J'espère au rugby. Merci à tous. Fini avec Benoît Père. Et bonne soirée, bon match. Je pense que je gagne 6-2, 6-2. 2-2. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.